Pour l'écouter. 89.1. Le plan de cette semaine à Assemblage Rookie. On se commandera une double dose de Ça existe, ça ne devrait pas, on l'a, et d'une grosse pointe en dresse. Et Tania fera de son mieux pour nous divertir dans sa chronique. Tania is gonna entertain ya. Assemblage Rookie commence tout de suite. Assemblage Rookie pour toi, aujourd'hui. Assemblage Rookie pour toi, aujourd'hui. Assemblage Rookie pour la semaine du 13 juin 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières et on débute avec notre chanson thème de Valesse Pariétaire remaniée par Renard Frac. Avant l'émission, juste avant nous, c'était la chanson de Carl-Éric Hudon, Que Dieu bénisse les marathoniennes, pour ceux qui s'intéressent. Je pense que j'ai mis ça parce que je trippe sur les filles qui ont des bons mollets. Des bons mollets? Des bons mollets. Ah, tu vois, c'est comme la première fois que j'entends ça. Les gens demandent est-ce que t'es poitrine ou cuisse? Moi, je suis mollet. Tu es mollet. Bon. Voilà. C'est une fille qui court, finalement. C'est une fille qui court. Et voilà. Voilà. Ça va bien, Tania? Ça va très bien, merci toi. Passez une belle fin de semaine, oui, très bien. Une très belle fin de semaine. Moi, je suis allée à la Formule 1, bien évidemment. C'est malgré le froid, parce que, mon Dieu, il faisait terriblement froid. C'était vraiment, vraiment une super de belle fin de semaine. Cool. Ben, félicitations. De mon côté, je suis en plein déménagement cette semaine. Oui. On a commencé dimanche avec les remplissages de cracks. C'est ça, je m'en ai dit. Tu sais maintenant comment boucher des trous, Mathieu. Ah, tu sais boucher des trous, je te regarde les cracks, je sais faire absolument tout ça. C'est fantastique. On est à l'étape de la peinture aujourd'hui et comme je suis au bureau pour animer Assemblage Requis, c'est mon père qui se tape la job. On le salue. Merci à toi. Et j'ai du baseball ce soir aussi. Évidemment. Pour les auditeurs du quoi, on est mardi aujourd'hui, donc on a du baseball ce soir. Ah oui, c'est Cuba là, qui débarque en ville. Cuba, exactement. J'ai dit que je préférais les mollets. Oui. Cuba, les cubaines aussi. Les cubes. Ah ouais, les cubes. OK. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, c'est ça que demain, il n'y aurait pas de Mathieu Plancheau. Ça va être des meilleurs moments qui vont jouer pour que je puisse continuer le déménagement demain. Donc, je vous le rappellerai à la fin de l'émission. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de préparé? On va vider un petit peu l'arrière-boutique de matériel de différentes chroniques que j'ai ramassées depuis quelques moments. Donc, on va entendre les chroniques. C'est un fait. Ça existe et ça ne devrait pas, on l'a. Ainsi qu'une grosse pointe à l'adresse à la fin de l'émission. Il y a ta chronique à toi qui s'en vient, Tanias Galant-Tétainia. Qu'est-ce que tu prépares? Bien, des fois, on se demande vraiment quoi regarder, soit sur notre téléphone cellulaire ou comment bien s'instruire ou on cherche tout simplement quelque chose à fouiller sur Internet. Je vous parle de ça aujourd'hui. T'es en train de dire que c'est un fait passé. C'est ça, exact. C'est ça que tu veux dire, Raymond. Non, je parle de site Internet ou de compte Instagram. Je viens de voler le punch. T'es tellement social. Ah, je sais. Ah, commençons l'émission par contre avec un petit peu de musique. Je sais qu'on vient de le faire juste avant la chanson thème, mais quand même, retournons-y. C'est ça, on aime ça, la musique. Oui, on va entendre du nouveau aussi. Donc, on va entendre Michello avec son nouvel album L'amour violet. L'extrait s'appelle Des gens comme moi et il est à la 19e place du top francophone dans le palmarès C'est fou du 6 juin au 3 juillet, voilà. Nouvelle entrée. On écoute ça, Assemblage Requis sur C'est fou. 89 FM. J'ai regardé autour de moi. Dans tous ces gens que je ne reconnais pas, j'ai écouté, ils parlaient de quoi, et j'ai demandé qu'attendez-vous de moi. Je n'ai pas, je les changerai. On vient entendre Michelot avec une pièce de l'album L'amour violet qui s'appelle Des gens comme moi, assemblage requis. J'étais concentré, Tania, parce que Caroline, non seulement je déménage en ce moment, mais en plus, j'ai réussi à attraper un rhume en fin de semaine. Ben non, comment t'as réussi à faire ça? Je suis allé voir ma sœur et mes nièces. Ah, voilà. Et ça a tout le temps. Non, mais ça a tout le temps. Allez voir vos nièces puis votre sœur pour pogner la grippe. Ils vont à la garderie, ils ont tout le temps un rhume. Ah, c'est vrai, ça, par exemple. En permanence. Mais de toute façon, en fin de semaine, il faisait tellement froid et tellement humide que n'importe qui aurait sorti à l'extérieur aurait attrapé la grippe. Ouais. Donc, dans une grosse pointe d'adresse, tantôt, on va essayer des pilules Buckley's. des pastilles Buckley's. Exactement. Ouais, ça va être ben le fun. Mm. Mais non, maintenant, on est là pour apprendre en ce début d'émission d'assemblage requis. Donc, voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. Faut que je fasse comme la fille dans Michelot, c'est un fait. Ça, okay. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Je fais ma Michelot, moi. Ah, ça sonne tellement bizarre dans mes oreilles quand tu fais ça. Ouais, c'est un hommage. C'est pas le son le plus agréable au monde. C'est pas un hommage, c'est un dommage. Ah, c'est ça. Donc, c'est un fait, la chronique des choses véritables et vérifiables. Commençons avec quand quelqu'un te chatouille, Tania. Je parle de toi, spécifiquement toi, spécifiquement Tania. Spécifiquement moi. Quand quelqu'un te chatouille. J'haïs ça, premièrement, je le frappe pour ou je la frappe. Oh, ouais. Ben, ton rire est en fait une réponse de panique. C'est pour ça que tu peux pas toi-même te chatouiller parce que ton corps ne ressent aucun danger. C'est là, je teste, mais c'est vrai. C'est vrai. En arrière des genoux, dans le cou, non? En dessous des pieds, je suis sûr que je le ferais pareil. Pas sûr. Je m'auto-frapperais. Pas sûr. version russe de Qui veut gagner des millions? Le quiz Who Wants to be a Millionaire a dû enlever la portion. Il y a tout le temps des petites. T'as des petits. Des options que tu peux utiliser. Oui, un peu comme dans Texas Payant. Un peu comme dans Texas Payant. Oui, en effet. Un peu comme dans Qu'est-ce qu'il y avait? En tout cas, il y en a plein des quiz où il y avait des options. Oui. Donc, t'as le 50-50, enlever deux mauvaises réponses, laisser seulement une mauvaise, une bonne, demander au public, appeler un ami, des trucs comme ça. Donc, la version russe a dû enlever le demander au public parce que le public donnait intentionnellement la mauvaise réponse. Oh, c'est tellement méchant. C'est pas le fun, ça. Pourquoi ils faisaient ça? Tu veux gagner des millions, je sais pas. Si c'était toi, t'avais juste à participer. Ben, c'est ça. Quand même. Une devinette philosophique de 1688 a récemment été résolue. Donc, si un homme né aveugle peut... on se demande, dans le fond... Pardon. On demande si un homme né aveugle peut comprendre, toucher la différence entre des formes comme des sphères et des cubes. Est-ce qu'il pourrait, si on lui donnait la capacité de distinguer ces objets-là seulement en les voyant? OK. Comprends? Donc, il est aveugle, il touche une pyramide, un cube, une sphère, il comprend ce que c'est la forme. S'il n'était pas aveugle, est-ce qu'il pourrait déterminer quelle forme c'était? Ah, d'accord. Selon toi, est-ce que c'est... Je sais pas, c'est une bonne question. Ouais. Mettons, au pif, tu dirais quoi? Oui, il va pouvoir la reconnaître parce qu'il l'a imaginé. Ben, ça dépend. Parce que si on lui a appris qu'est-ce que c'était, moi, je dis oui. Moi, je dis qu'il va être capable de OK, mais mettons que le médecin lui a dit, bon, voici une sphère, je te la donne, la sphère, il y a la touche. Ouais, bon. C'est ça, et exact. Et là, on lui redonne la vue, est-ce qu'il va reconnaître une sphère? Oui, c'est ça ta réponse? Oui, moi, je dis que oui. Bon. Donc, en 2003, 5 personnes ont pu revoir leur vision grâce à une chirurgie et non, ils n'étaient pas capables de reconnaître les formes. Pour vrai? Qu'ils avaient imaginées dans leur tête. C'est ça, ils peuvent pas être visuels parce qu'ils n'ont jamais eu la vue. Ouais. Donc, ils peuvent pas comprendre l'aspect visuel des choses. Ah, c'est triste. Un peu triste, mais bon, ils vont pouvoir apprendre. Moi, j'avais espoir pour eux. Ah, pauvre. Il y a un village au Japon qui s'appelle Fox Village, le village des renards. C'est rempli littéralement de renards qui se promènent et qui jouent ensemble. Non. C'est cute, il y a des petits photos sur assemblagerequis.com. Ensuite, il y a plus de 30 écoles partout dans le monde qui s'appellent des écoles Sudbury, donc des Sudbury Schools, qui sont gérées comme des démocraties complètes. Les étudiants et l'équipe partagent un vote égal sur l'ajout des employés, donc engager et renvoyer les gens de l'équipe. Et ils utilisent aussi, donc, ils ont aussi un droit de vote sur le budget de l'école et sur les règlements de l'école. Ça s'appelle donc des Sudbury Schools. Tous les aspects de la gouvernance de l'école sont déterminés par une réunion hebdomadaire à l'école, modelée d'après les town meetings, donc comment t'appelles ça, à la mairie, là, où les gens peuvent se pointer pour discuter. L'hôtel de ville? Un peu un genre d'hôtel de ville, si on veut. Donc, les meetings à l'école vont passer, faire des amendements et retirer des règles de budget, etc. Ah, tu parles comme une audience, là? Une audience publique. Ouais, une audience publique. C'est ce que je cherchais, voilà, merci. Ça me fait plaisir. Ensuite, les bébés éléphants vont sucer ou téter leur trompe. Comme notre pouce pour se réconforter. Oh. Comme des bébés. C'est cute. La larve de l'insecte Planthopper c'est la première chose ou la première espèce vivante qui a été découverte qui a des engrenages, qui a évolué pour avoir des engrenages dans son corps. Ils sont situés dans ses jambes et ça lui permet de sauter avec une accélération de 400 G en 2 millisecondes. What? 400? Ouais. G en 2 millisecondes. C'est énorme. Et en français, c'est comme une sauterelle, je crois. Donc, on va aller voir la vraie définition. C'est un delphacide, une cicadelle. Voilà, cicadelle. Ah, OK. Ça ressemble à une feuille. On essaie. Ah, ouais. Je pense que si t'en attrapes une l'été puis tu sais qu'elle est morte, là, ouais. Mettons, là, ça s'effrite blanc. Ah, wow. Je sais pas. Je dis ça comme ça, mais je suis pas certaine. On va pas essayer. Non, c'est ça. Les gens vont souvent halluciner après avoir perdu un être cher ou un animal de compagnie. Ça s'appelle grief hallucinations, donc des hallucinations de tristesse après la mort. Je sais pas s'il y a un mot en français pour pleurer la mort de quelqu'un. Un deuil, voilà. Une étude... question, ça. Une étude nous apprend que 80% des patients âgés vont vivre des hallucinations de leur mari ou femme qui nous a quittés un mois après leur mort. Oh! Triste. On a parlé d'écran solaire il y a quelques semaines avec toi et on en a parlé. C'est un fait à un moment donné. Je me souviens. Le FPS donné sur les bouteilles de crème solaire sont corrects si seulement 2 microlitres d'écran solaire est appliqué par centimètre carré de peau exposée. Ce qui veut dire environ 28 millilitres ou 1 once pour couvrir le corps au complet d'un homme adulte, ce qui est beaucoup plus que ce que la plupart des gens utilisent. Mm-hmm. Donc, dans le fond, la cote FPS, c'est seulement si tu t'en tartinais 3-4 couches, mettons. Ah, mon Dieu, d'accord. Donc, c'est vraiment pas la bonne solution pour... Prenez un FPS plus élevé que vous devez prendre. Ouais, c'est ça, voilà. En 2010, la Chine avait des bouchons de circulation avec des milliers de voitures. Ça a duré pendant plus de 10 jours. Plusieurs conducteurs étaient capables seulement de faire avancer leur véhicule d'un kilomètre ou 0,6 miles par jour. Et certains conducteurs disaient être pris dans le trafic depuis 5 jours. Oh my God! Ouch! Mais il y a tellement de gens là-bas, c'est normal. Oui. Mais c'est eux aussi qui utilisent les tuk-tuk. Ça va beaucoup mieux que les voitures. Les comment? Les tuk-tuk. Ah, les trucs traînés avec des... Pas surélevés. C'est comme des vélos, okay. Mais tu transportes des gens, c'est comme un taxi-vélo. Ah, OK. Mais ils n'ont pas Alexandre Barrette, par contre. Non. Pour que les femmes commencent à fumer la cigarette dans les années 20, les compagnies de tabac ont fait une campagne étiquetant les cigarettes comme étant des torches de la liberté. Tu sais, des torches comme des lampes. Ouais. Faut vraiment que je me mouche. Veux-tu parler de ça? OK, ouais. D'accord. Vraiment... Non, je peux pas. On va pas prendre une pause, hein? Mais non, on va pas prendre une pause, là, mais de toute façon... Je trouve ça très drôle. Fait que tu disais que ça devenait les torches de la liberté et la campagne aidait vraiment les femmes à sauter à pieds joints dans le fait de fumer pour que ça devienne un taux plus grand chez les femmes. Donc, les femmes qui fumaient, dans ces années-là, ça a sauté de 5 % en 1923 à 18,1 % en 1935 juste à cause de la torche de la liberté. Viva la libertà! C'est tellement stupide, mais c'est tellement marketing. Mais hein, tu connais quelle ça? Quelle idée de marketing. Pour ça, je te l'ai fait lire. Et voilà. Et merci, Tanguy. Ça fait plaisir. Ça va faire ça tout le long de l'émission. J'ai vraiment un début de rhume, c'est quoi. Okay. Donc, en 1936, un Stradivarius, un violon donc, qui vaut des millions de dollars, a été volé du Hal Uberman. Donc, le voleur, un musicien qui joue dans des cafés nommé Julian Altman, est devenu célèbre et a performé pour des présidents de pays. 49 ans après le vol, il a confessé sur son lit de mort et sa femme a reçu les 263 000 dollars de récompense pour avoir trouvé le violon. Parce qu'elle l'avait pas dit, puis là, évidemment, bien, elle reçoit. C'est un beau cadeau. J'avoue. Wow. Les suçons. En fait, des suçons sont distribués à l'extérieur de certaines boîtes de nuit pour réduire la violence. Mettons qu'en ce moment, on pourrait peut-être en avoir besoin des Orlando, des suçons. C'est un petit comique. Non, donc beaucoup de violence dans les bars, des gens qui se battent. Donc, on distribue les suçons pour qu'ils soient pas capables de crier ou de causer des dérangements en suçant leurs sucettes. L'Association générale des étudiants de l'Université de Londres a commencé à donner des suçons il y a un an pour empêcher les gens de faire du bruit. Qui quittaient les bars. Ça a été un succès et l'association générale a dit que les plaintes avaient vraiment beaucoup descendu, beaucoup tombé depuis qu'on donne des bonbons. On devrait faire ça ici, peut-être. Absolument. Des petits suçons. Le soir. C'est ça. Quand il y a du grabuche. Oui, à la place de... Ouais, c'est ça, des suçons, des sucettes. Là. Ah ouais, faites ça. Mets la bouche sur le cou de l'autre. Bon, mais les associations, ils vendent des pogos. Ça doit être la même affaire, un c'est peu. Vrai. Ils vont nous vendre 2,50 $ par suçon. Par suçon, et voilà. Le film de Will Smith, Hancock, est-ce que tu te rappelles du film Hancock? Oui, je me souviens de ça très bien. Donc, à l'origine, c'est un script qui s'appelait Tonight He Comes. Aujourd'hui, il vient, littéralement. Mm-hmm. C'était un super-héros alcoolique qui ne pouvait pas faire l'amour jusqu'au climax parce qu'il il allait tuer la femme avec le pouvoir, la puissance, la force de son climax. C'était ça son son c'est défaut. Sérieux, ça? Je te jure, Tonight He Comes. Je suis sûr que c'est une blague. Hey, non. pas la fin la même. Sérieusement, le script originaire, c'était ça. Ouais. Tonight he comes. Ça me trouble. Je suis sûr que c'est la version pornographique, et voilà, mais c'est pas l'original. Fais tes recherches, là, mais les liens sur son surassemblage. Non, je vais même pas taper ça sur Google. Tonight he comes. Les résultats, on ne peut pas les garantir. Mettez Safe Search. Allumez, oui, c'est safe ça, search. Exactement. Un homme dans les montagnes a trouvé un portefeuille dans les montagnes, donc d'un pays, peu importe lequel. Le portefeuille a été perdu d'un avion. Qui s'est crashé en 1972. Il a réalisé donc que le propriétaire du portefeuille était un des 16 survivants du crash d'avion, et il a pu retourner le portefeuille à l'homme 32 ans plus tard. Magnifique. Il y a personne qui sait qui a inventé la bande fontaine, parce que son brevet, et ça c'est la définition même du mot ironie, le brevet a brûlé dans un feu. Non. Le brevet de la bande fontaine, c'est la définition du mot ironique. C'est tellement ironique, c'est vrai, là. Il faut se rappeler de ce fait-là quand quelqu'un te demande c'est quoi la différence entre sarcasme et ironie en 2016. Voilà. La ça, voilà. C'est de l'ironie et du sarcasme. C'est ce que je fais dans la vie tous et les voilà. jours, tout le long de l'émission. Voilà. Si vous voulez la définition, demandez à Mathieu Plante. Écoutez l'émission une fois de temps en temps. Donc, la planche Ouija, le jeu de société, le jeu de table Ouija, a eu son nom après s'être fait demander. La planche s'est fait demander. D'accord, comment est-ce qu'on devrait l'appeler? Hein? Donc, la planche a répondu Ouija. Quand les gens ont pointé la flèche dessus. Mais en utilisant le jeu. Comment ça s'appelait avant? C'était juste une planche de... Je sais pas. OK, une planche de fantôme, mettons. Une planche de bonne aventure. Puis ils ont dit, hey, chose, comment tu veux te faire appeler? Oui, c'est ça, ça aurait pu être Ouija, mais non, c'est Ouija. Ouija. Mario. Donc, lorsqu'on a demandé à la planche ce que ça voulait dire, Ouija, le plateau aurait répondu bonne chance. Ah, OK. Mais tu sais, ça, les bonnes chances, c'est pas genre des pastilles sur le jeu, c'est pas genre G-O-O-D-L-U-C-K, genre, c'est comme l'icône bonne chance ou... Ouh, je sais pas. Oui ou non. Tu sais non. qu'il y a un... Ouais, il y a une icône oui ou non. Ouais. Puis il y a une icône de quitter. Ah ça, ouais? Ça, je me souviens, là, parce que, tu sais, si tu quittes pas... Ah oui, oui, oui, faut fermer la session. Ouais, exactement. C'est comme Windows XP. Exactement. Tu le laisses pas à l'envers. Sinon, il va t'upgrader à Windows 10. Oh. T'auras plus ton pilote d'imprimante, puis... Ah! Puis là, tu seras plus capable de rentrer dans ton ordinateur. Tu vas te chanter comme Michelot. les Olympiens. Oui. À l'époque, ramenaient une médaille de bronze. Non, attends, pardon. Les Olympiens. Oui. Fait comme je n'avais rien dit avant. Okay. Les Olympiens qui ramènent à la maison une médaille de bronze. Ouh, troisième position. Oui, sont plus heureux que ceux qui ont gagné l'argent. C'est sûr, je suis sûr que oui. Parce que les médaillés d'argent sont déçus d'avoir été proches d'avoir le numéro 1, l'or. Donc, les médaillés de bronze sont juste contents de s'être rendus sur le podium. C'est tellement vrai, je suis sûr que c'est vrai le pire. Ben faudrait demander à des athlètes voir. Est-ce que tu te doutes de ce que je dis? C'est la source, c'est la radio publique NPR, c'est l'équivalent de Radio-Canada. Là. OK, mais j'en doute même pas, sérieusement, je suis sûr que c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Mais faudrait demander à des athlètes. Tu sais, ils ont-tu demandé à des athlètes ou. Je sais pas, est-ce qu'on en a un en ligne? Ah, je sais pas. Allô? Non, je pense. C'est passé proche. Le prix d'une bouteille de Coca-Cola est resté à 5 cents pendant plus de 70 ans. Ah. Résultat, les machines distributrices ne prenaient que des 5 cents. Et avant d'augmenter le prix à un 10 cents, le président de la compagnie a demandé au président Eisenhower, le président américain, de faire des pièces de 7,5 cents pour aider à garder la différence de prix raisonnable. Parce que là, okay. Wow, doublé à 10 cents, wow, minute, là, est-ce qu'on peut faire une pièce de 7,5 cents pour pas perdre trop d'argent? Ben oui. Le président a dit, hey, c'est quoi, on va faire des 1,3 cents puis des 2,6 cents, hey, ouais. Wow, là. Wow, je dis, wow! Hein? On se calme. Connaître la... Pardon. Écoute-toi pas. Ben non. Hein. Connaître la fin d'une histoire avant de la lire ne va pas gâcher l'expérience de vivre l'histoire, de la lire ou de la regarder. Je suis persuadée que non. Ça te donne en fait même plus de plaisir en regardant le film ou en lisant le livre. Ça s'appelle le paradoxe du spoiler ou du divulgateur, comme on dit en français. Donc, le spoiler paradox. Parce que tu vas te demander comment est-ce que ça arrive à ça. C'est peut-être ça. Si tu sais le résultat, ça veut pas dire que tu sais comment est-ce que ça se passe. T'es sage. Et voilà. Il fait tellement chaud en Inde que les routes fondent. Ah, t'es sérieux? L'asphalte fond. Allez voir, il y a une petite vidéo sur assemblagerequis.com. On peut clairement voir le jeune garçon traverser la rue. Perdre ses souliers. Perdre ses gougounes. Oh mon Dieu! Hey, ouais. Ça doit être tellement chaud pour lui. Incroyable. Vite, vite, retourne-y. Puis il reste encore comme 45 secondes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner chercher sa sandale. Il va attendre que les chars passent, j'imagine. Allez, il saute sur un pied. Oh non, il est rendu ses mains. Hey, c'est l'endroit parfait pour se moucher, ça. Hey, pauvre gars. Pourquoi il a passé là? C'est... Mais ça n'a pas d'allure. Est-ce que ça serait à cause du matériel des gougounes plus que... Peut-être. Ou est-ce que tu penses que peut-être que l'asphalte est moins de qualité? Ouh, peut-être. Je que ne pourrais de dire. Supposition. Ça ou elle est fraîchement trop faite. Peut-être aussi. Michael Jackson. Michael Jackson, lui aussi, oui. Fondait à un moment donné. Ouais, c'est ça. Composait des chansons malgré le fait qu'il ne jouait d'aucun instrument. Il construisait chaque élément d'une pièce de musique, track par track, avec sa voix. Donc, il faisait les instruments avec sa voix. Mettons, bon, la track batterie. Un peu comme les gens sur YouTube, divisés en plusieurs écrans. Mm-hmm. Ils font leur propre batterie, leur propre saxophone, leur propre ci, leur propre ça. Ils faisaient la même chose, mais en track. Donc, ils enregistraient la chanson du début à la fin avec un instrument. Et c'était tellement sur la note, tellement parfait, que des musiciens studio pouvaient ensuite matcher les notes avec son chant. Ah ouais. Wow. Ensuite, J.K. Rowling a gagné le prix Nestlé Smarties Book Prize en 1997, en 98 ainsi qu'en 99 pour les trois premiers livres de Harry Potter. Ça a fait d'elle la première personne à gagner le prix trois fois de suite. Plus tard, elle s'est retirée avec son quatrième roman. Elle a décidé de l'enlever du concours pour permettre à d'autres d'avoir la chance de gagner. Hein? Et aussi, en date de 2012, elle a perdu son statut de milliardaire parce qu'elle a donné trop de son argent à des œuvres de charité. Ah ouais? Très bonne personne, c'est J.K. Rowling. On l'aime, J.K. Tellement. On l'aime d'amour. Les boucles dans des manèges. Tu sais, quand on fait des manèges là, qui se virent à l'envers. C'est ce que je fais pas, là, oui. Non, moi non plus, je préfère avant même d'embarquer. Oui. Donc, les roller coaster loops, ces boucles-là dans les comment t'appelles ça, roller coaster, c'est un genre de manège montagne russe. Montagne russe, sont jamais circulaires, en fait. Elles sont en forme de larmes. C'est vrai? L'arme, donc, pointue par en bas, une courbe ovale un petit peu par en haut. C'est parce que les boucles circulaires complètement vont assujettir les passagers à 6G de G-Force. Okay. Ce qui va faire qu'ils vont se blesser. Oh, donc, ouais. En réduisant, en faisant des ovales en forme de goutte. Donc, pour que la force G soit réduite. Et voilà! Oh. Et finalement, en 1936, on l'avait déjà fait celui-là. On finit avec ça, voilà. C'est ça, voilà. Génial, hey, parfait, c'est juste assez pour avoir tout du mouchoui, mon maudit rhume. Hein? Ça n'a pas de bon j'ai sens. J'ai tellement mal à la gorge. Mais ouais. Voyons, Mathieu. Ah, je sais pas ce que tu T'as-tu frenché tes nièces? Je sais pas. Oh, wow. Ah, non, là, on ne parlera pas. Hein. Trop loin. Inceste. Voici, ouais. Inceste, au lieu de l'appeler princesse, je l'appelle princesse. Ah, c'est ça. Princesse. Voici my babe, c'est comme ça que je l'appelle, ma nièce. White Horse. Et voilà. Ah, oh, boy. Stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she loves me, my babe. My Babe, White Horse, nouvelle entrée anglophone. Je pense qu'il y a la 18e position exactement. Ah, voilà. Yeah. Autour de la c'est pause. Bon. Oui, c'était excellent. C'était, ça va être ça que ça devrait répondre là dans deux minutes, même pas. Restez là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky pour la semaine du 13 juillet 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Et avec la participation spéciale de mon Mikus. Bonjour. Ouais, je sais, je le dis à chaque fois que j'ai le rhume, mais ça m'empêche tellement de faire une chronique. Quand j'ai un rhume, c'est instantané, je suis plus capable de rien faire. Mais c'est correct. Bref, avant que ça devienne une sinusite. Oui, on va... parce que c'est vrai, t'es tout à malade, Mathieu. Je sais, c'est ça de même, mon corps est faible. Non. Terrible. Donc, c'est le moment de s'acheter des choses. Voici si ça existe et ça ne devrait pas. Là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique, on achète des choses sur Internet. On va commencer avec quelque chose qui pourrait vraiment être le fun pour ceux qui envient le retour dans certaines villes des ciné-parcs. Oui, oh, les ciné-parcs. Je m'ennuie donc de ça ici. Oui, c'est sûr. Et là, ça revient à la mode. Évidemment, fallait s'y attendre. Il y a bien des régions qui ramènent les ciné-parcs et c'est bien, tant mieux. Surtout qu'il y en a beaucoup, en tout cas, que j'ai vu qui n'ont jamais été démontés. Les écrans sont encore là. Exactement. Il y en a un à Saint-Hilaire, là. Ça a l'air que ça fonctionne à plat de couture à chaque été. Puis ici, ça fait combien de temps? Là, on l'a détruit, ça fait vraiment longtemps. Oui, vraiment. Ça fonctionne à plat de couture. C'est pas comme ça que ça se dit? j'ai trop de titres d'épisodes. Non. Comment ça se dit de bord? À plate couture? Je sais pas. Bref. C'est pas à pleine couture. On sait pas. Je vais faire une recherche Google, mesdames et messieurs. Ça fait la deuxième semaine de suite qu'on cherche des expressions. En tout cas, bref, c'est un écran de ciné-parc portatif, si on veut, qui se branche à votre pick-up. C'est quoi? C'est à plate couture? À plate couture. Bon. Mais apparemment que ça va seulement avec battre à plate couture. Ouh, et ben. Voilà. C'est ce que les aigles ne font pas. Oh. Donc, faites-vous une soirée film n'importe où avec ça. Portable Movie Screen Mount, l'écran s'installe en trois étapes faciles et peut être placé soit sur votre véhicule ou peut encore être debout lui-même tout seul pour créer une expérience ciné-parc à la maison, en voyage, en camping, où que vous soyez. Et comme on peut voir dans la petite vidéo de démonstration, c'est vraiment à côté, branché sur ton pick-up. Donc tu peux vraiment venir, tu peux mettre ton pick-up, mettons, sur la plage ou mettre un trépied avec l'écran et aller dans ton pick-up à l'autre bout. Tu peux vraiment faire ce que tu veux pour regarder ton film. Pour quand même seulement, je trouve, 330$. Par contre, ça inclut pas le projecteur qui coûte vraiment cher. Un projecteur, ça coûte cher. Mais comment est-ce que tu fais pour entendre? Est-ce que le son est diffusé dans les haut-parleurs de ta voiture? Très bonne question. J'imagine que ce serait probablement ça. Peut-être avec un gadget de reproduction sonore. J'imagine aussi. J'imagine qu'il faut à peu près t'arranger pour ça parce que je pense que le gadget à 330$, c'est vraiment seulement l'écran et le rack. Ouais. Mais c'est déjà un bon début. Un bon début, oui. Il y a sûrement même pas le trépied en tant que tel. J'ai pas regardé sur... c'est sur le site hitchtheaters.com, si ça vous intéresse. Hitch, comme Hitch. Et theaters, comme des symboles. Voilà. Ensuite, c'est une cape pour les enfants, mais personnalisée avec des logos de super-héros, mais pas de n'importe quel super-héros. C'est du super-héros que serait votre enfant s'il en était un. Hein? Donc, faites de leur rêve une réalité en le transformant avec une cape personnalisée. C'est des petites capes qui peuvent être arrangées avec des couleurs spécifiques et un nom de super-héros, comme par exemple, dans ce cas-ci, c'est une cape bleue satinée avec un logo en rond rouge et la lettre M en bleu avec un éclair au travers du M. Hein? Mm-hmm. C'est spécifique quand même. 33$ américains pour personnaliser votre propre cape pour enfants ou personnes de taille réduite. Vous voulez maintenant protéger votre vélo des vols? Eh bien, voici maintenant une alarme de vélo d'antivol explosive. Ne faites pas qu'empêcher les voleurs de voler votre vélo, faites-les exploser! Rien de moins! Hein? Non, ça produit des étincelles, de la fumée et un bang vraiment très fort qui va attirer les yeux vers le vélo, donc par le public autour. Donc, ils vont regarder le voleur en train de voler ton vélo. Et donc, le voleur va se sentir mal, va s'en aller. J'imagine, peut-être que ça va empêcher les vols. Peut-être. Mm-hmm. Ensuite, pour ceux qui ont tendance à vomir facilement, ça arrive. Oui! On a parlé de roller coaster, de montagne russe tantôt. Donc, si vous voulez peut-être empêcher le vomissement, il y a un bracelet pour ça. Il y a toujours un bracelet pour tout dans la vie. C'est la technologie des bracelets intelligents. Voilà. Apparemment, il y a 60 millions de personnes qui souffrent du mal du mouvement. Hein? Okay. Donc, quand vous êtes en voiture, en bateau, peu importe, même en avion, c'est le Relief Band qui peut être la façon la plus facile de contrôler la nausée et les vomissements qui peuvent évidemment gâcher vos activités. Contrairement à d'autres solutions, le Relief Band n'utilise pas de médicaments qui peuvent causer, par exemple, de la fatigue, hein, ou même qui pourraient faire revenir la nausée quand vous arrêtez d'utiliser les pilules. Donc, apparemment que ça fonctionne bien. C'est porté sur le poignet. Ça fait des pulsations sur le nerf médian en dessous de ton poignet. La stimulation de ce nerf-là apparemment combat la nausée presque immédiatement. Et même pour ceux qui sont malades, qui sont enceintes, qui ont du morning sickness, les maux de cœur, les hauts de cœur matinaux. Donc ça s'appelle de la neuromodulation Relief Band, technologie propriétaire qui utilise les systèmes de nerfs dans votre corps pour régulariser les stimuli. Les stimuli, au pluriel, je crois, un stimulus, des stimuli, en tout cas. Donc, qui cause le mal des mouvements. C'est de la grandeur comme d'une montre normale avec 5 intensités. Ça fonctionne sur une seule batterie pilule, un petit peu comme les montres, là, qui peuvent facilement être remplacées. Le prix est de 90$. C'est disponible maintenant sur reliefband.com et sur Amazon. Mmh. Ça pourrait être bien, mais c'est quelque chose que tu te servirais peut-être pas très souvent, mais que tu serais content d'avoir quand tu l'as. Peut-être. Oui, c'est ça. Ça fonctionne. Ensuite, on retourne dans le passé. Tu sais comment les années 90 sont de retour? Oui. Vous allez pouvoir imiter vos acteurs préférés dans les films vintage qui jouent à prise 2 avec une grosse brique grise. Hey, j'avais un jouet de ça quand j'étais jeune. Ah oui, wow. Je te jure que ça faisait du bruit. C'était malade. Tous les enfants ont besoin d'un faux téléphone. Ben oui, pour c'est s'amuser. Clair. Même dans le temps, c'était à roulette. Puis là, maintenant, aujourd'hui, ben, c'est des faux téléphones cellulaires. Exactement. Voilà. Même qu'à ça, il y a des vrais téléphones cellulaires pour enfants avec pas grand-chose dessus. Avec des jeux minuscules. Tu veux-tu que je te dise? Vas-y, je fais une parenthèse. Parce que je trouve qu'on doit faire une parenthèse là-dessus. Tu prends là-dessus. Pour qui? Tu prends Mathieu Plante ou Samuel Girard avec les parenthèses? Un peu des deux. Okay. L'autre jour, j'étais en train d'attendre, je sais plus où, j'étais accompagnée de quelqu'un, puis j'ai vu passer deux jeunes filles, je te jure, ils devaient pas avoir 14 ans encore, ouais, traverser la rue, et les deux étaient au téléphone, wow, cellulaire. Ensemble. Ensemble. Mais j'ai trouvé ça tellement... tellement représentatif d'aujourd'hui et démoralisant. Oui. C'est que font avec des téléphones cellulaires. Ouais. Non, absolument pas. Mais on dira pas de leur lancer des roches non plus parce que les gens vont le faire. C'est comment ça écoute dans les médias, ils prennent ça pour du cash. Et voilà. Et voilà. Donc c'est un téléphone brique, mais c'est un téléphone en fait. Bon, on va commencer par le fait que c'est la nouvelle technologie, mais dans un vieux gadget, on comprend. Okay. Donc, ça va ajouter... En fait, c'est comme c'est un power bank, c'est une batterie additionnelle pour votre téléphone. Okay. Donc, dans le fond, il y a une batterie dedans. Et quand tu branches ton téléphone, ça te redonne de la batterie dans ton téléphone. Tu peux rajouter 8 heures de web environ. Et c'est vraiment une copie du Motorola des années 80, dans ce cas-ci. Et la batterie de 2600 mAh à l'intérieur, tu branches ton téléphone, tu as plus de batterie. C'est cool. C'est fou. Là, ça coûte 45$. Ensuite, pour ceux qui veulent faire des exercices, mais qui ne veulent pas se lever debout, ouais, ça nous arrive tous, je pense. On aimerait pouvoir pédaler en dessous de notre bureau. Oh, ou en c'est tout cas, vrai. Au moins faire des exercices. Gardez vos muscles de jambes. Tu sais, j'ai dit au début de l'émission, il y a peut-être 40 minutes que je trippais ses mollets. Mm-hmm. C'était faux. Oui, c'est vrai. Oh, c'est faux. Je viens de défaire la... Ouais. Mathieu! C'était faux. Mais... J'y croyais. Je m'en allais te présenter toutes les filles avec des gros mollets dans l'université. Ouais, c'est vrai qu'on... Ouais. Ils sont difficilement remarquables. Sont souvent couverts, leurs mollets. Ouais. On est trop prudent, hein, dans les années... Ça dépend. Va te promener au gym, tu vas voir, ils seront pas couverts. Absolument. Bref, voilà. Hein, pour vraiment avoir des muscles de jambes en passant plusieurs heures devant votre écran d'ordinateur, c'est la machine Sit Down Leg Exercise Machine. Ça fonctionne en améliorant la circulation et ça aide aussi à augmenter, à améliorer tes mouvements pour brûler 17% plus de calories que lorsque tu restes seulement assis. Ça coûte 49$. C'est sur Indiegogo en ce moment, c'est un projet. Ils ont ramassé 480 000$ et plus, donc 1310% de leur financement demandé. Il s'est fabriqué sur demande en ce moment, testé par l'Université de l'Illinois à Chicago. Il y a une petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Ça s'appelle le Hover, H-O-V-R. Ça dit pas ce que ça veut dire, H-O-V-R, attends un peu. Je le trouve pas rapidement comme ça. Ils ont mis beaucoup trop de logos de gens qui ont parlé d'eux sur leur sur Indiegogo. Mais bref, on voit les gens faire des exercices, on voit les gens faire ça au bureau. C'est un peu, comment est-ce que je pourrais décrire le mouvement? C'est vraiment comme, pas un pédalage, mais une torsion, si on veut. Ouais, un peu. Une torsion c'est des pieds. C'est comme un balancement. Ouais, c'est pas mal un balancement des jambes. Ensuite, c'est la plus grande, la plus longue balançoire au monde, qui a 127 balançoires. Mon Dieu! Ouais, donc c'est le plus grand ensemble, voilà, si on veut, qui est plus que juste un projet pour le fun. C'est le record Guinness, oui, complètement homologué, qui va à Big Brothers, Big Sisters, les grands frères, grandes sœurs aux États-Unis, qui ont ramassé donc des bénévoles et qui ont travaillé avec Backyard Discovery, qui fabrique des trucs en bois, pour construire ce petit parc d'amusement à 127 balançoires, 562 pieds de terrain de gazon en Floride en dessous. Deux rangées de balançoires fait de 51 balançoires de parc rassemblées ensemble sur la longueur de presque deux terrains de football. C'est immense. Chacun des 127 enfants du projet Big Brothers, Big Sisters qui ont participé à ce record ont vu leur nom gravé sur leur balançoire respective. Oh. Wow! C'est très très grand. Allez voir la vidéo et les photos. Ouais. En fait, ils ont juste pris des balançoires, des trucs de... ils ont vraiment comme attaché ensemble avec du bois, genre. Oh ouais, c'est un parc d'amusement, mettons, mais 127 mini-parcs d'amusement. Un à côté de l'autre, voilà. Voilà. Et rassemblés avec du bois entre chaque pour qu'ils tiennent. Ensuite, tout est rendu intelligent, on dit tout le temps. Maintenant, ce qui est rendu intelligent, c'est tes souliers. Non. Oui, qui te bloquent de l'Internet pour que les gens te parlent. Hein? Ouais, donc si tu peux vraiment pas lâcher ton Facebook, tu peux maintenant acheter des souliers qui vont te couper l'accès à Internet. Donc c'est le In Good Company Smart Shoe, un design d'une compagnie de souliers Anatomic & Co. & Company. Et des scientifiques d'informatique à l'université, à la University College London. Donc un transmetteur Bluetooth dans la semelle du soulier, un soulier qui est bleu comme Bluetooth, hein, qui va se lier à une application qui va vous permettre de choisir des heures pour barrer et débarrer l'accès de votre téléphone à Internet. Tu peux choisir de bloquer certaines applications pour avoir toujours accès, disons, aux maps, par exemple, et pas à Facebook et Twitter. Tu pourrais avoir ton courriel du travail activé, mais ton courriel privé désactivé. Bon, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Et c'est à peu près ça. Un soulier quand même à la mode. On prévoit lancer ça sur Kickstarter cet été. Et ben, même les lacets sont bleus. Ensuite, un Nivea construit une glissade qui va vous appliquer de la crème solaire en vous glissant dessus. Comme vous glissez sur la glissade. Donc, on l'a dit souvent que d'appliquer de l'écran solaire, ça pouvait vous sauver la vie, mais ça vous fait perdre du temps qui pourrait être passé à profiter du soleil. Donc, la compagnie Nivea a construit une glissade qui va améliorer le processus selon Adweek. Lorsque les enfants glissent sur la sunslide, ils se font envoyer un spray de FPS 50 plus, oui, et c'est à l'épreuve de l'eau. Ça a été gonflé, oui, c'est une glissade gonflable sur la plage la plus populaire de l'Afrique du Sud. Un pays où il y a environ 20 000 cas de cancer de la peau par année. Donc, ils ont mis 13 gallons d'écran solaire envoyés en spray par des centaines de jets de spray. Chaque enfant recevait des lunettes avant le voyage, donc pour pas que l'écran solaire se mette partout. Ouais. Et pendant une heure, plus de 100 enfants ont été recouverts. Ils lancent une campagne publicitaire innovante pour leur écran solaire. Ils ont fait l'année passée une poupée qui recevait des coups de soleil si elle avait pas de protection FPS. Et donc c'est à peu près ça pour ça. On va retourner en musique avant de continuer avec d'autres gadgets. Allons entendre une pièce de Black Mountain. Voici Constellations. Ah, ça marche. Together upon heaven's ground. Whoa. Thank you. C'est Black Mountain qu'on vient d'entendre avec la pièce Mothers of the Sun. Oui, la pièce Mothers of the Sun sur l'album 4 de Black Mountain. De toujours à Assemblage requis, toujours obligé de prendre des pauses pendant les chroniques parce que j'ai encore le rhume. Ben hein? Oui. Hey, c'est quoi, une troisième fois cette année, ça? Si c'est pas plus. Oui, c'est ça. Non, c'est que la dernière fois... C'est minimum troisième fois. Ouais, ben c'est que la dernière fois a duré 3 mois. C'est ça, c'est surtout ça, voilà. En tout cas, bref, merci de patienter avec nous. Votre appel est très important pour nous. On a encore un petit peu de budget pour aller acheter d'autres gadgets, donc on va y retourner sur des fonds d'oiseaux et de cette chanson de Black Mountain. Mm-hmm. Ouh. On est en train de parler de l'intérieur de votre bouche, Aronde. Parce qu'une brosse à dents, c'est bien le fun, mais tu sais, chez le dentiste, tu peux voir dans ta bouche. Et si tu pouvais voir dans ta bouche en temps normal à la maison, est-ce que tu trouverais ça le fun? Je suis pas certaine. Pas certaine, moi non plus. C'est ça qu'elle a. Je suis vraiment pas certaine. Parce que ce qui fait que c'est spécial, c'est de le vivre juste une fois de temps en temps quand tu vas chez le dentiste. De le vivre à tous les jours, ça va rendre l'occasion. Mais comment plate. Ça, tu vois, toi, quand tu vas chez le dentiste? Ah, parce que moi, j'ai plein de problèmes dedans. T'as, non, mais tu vois l'intérieur de ta bouche, toi? Oui, mais oui. Moi, quand je suis allé pour me faire enlever une dent, ils m'ont filmé tout le tour de la tête avec un truc. Rayon X, OK? Ouais. Fait que là, j'avais comme vraiment tout l'intérieur de mes os. OK, tu vois tes radiographies. C'est ça, mais j'ai aussi vu l'intérieur de ma bouche parce qu'elle a une petite caméra avec un. C'est comme une caméra USB. OK. Qu'elle appuie sur un bouton, ce qui est complètement ridicule parce que quand elle appuie sur le bouton, ça fait que la caméra bouge, fait que ça fait des photos floues. T'sais. Ils ont pas pensé à mettre le bouton sur une pédale, tu sais. Ah, ben oui. En tout cas, mais bref, fait que là, elle prend des intérieurs de photos de toutes mes dents pour pouvoir savoir où faire des plombages pour pouvoir me montrer. Parce que ça coûte tellement cher, les plombages, qu'il faut qu'ils les justifient, tu sais. Ouais, mais là, ça aussi, là, ça doit goûter une fortune, là, sa bébelle. Là. Ça doit, oui. Je suis sûr que tu payes bien plus la bébelle que tu payes tes plombages. Et tu payes pour la machine à rayon X pour tout le monde. Ouais, ça, c'est clair. Le dentiste, il faut qu'il repaye ses employés. C'est sûr. Je comprends pourquoi ça coûte cher, mais j'aime aussi comprendre pourquoi, mettons, ça me coûte 300$ pour une dent de plombage. Ouais. Fait que là, elle montre bon, le dessus, le côté, le devant, chaque côté coûte tant. Nanana. Fait que ouais, un petit appareil photo USB vraiment cool. Ah, mon Dieu. Ouais. Bref. Et high-tech, ta dentiste? Et pas mal high-tech. Si vous voulez faire la même chose et que vous trouvez que votre bouche est trop mystérieuse, une compagnie qui s'appelle Unvi, et non pas OVNI ici, hein, veut combler cette ignorance avec une nouvelle brosse à dents électrique connectée, la Profix, qui permet au brosseur de streamer un peu comme sur Twitch. Je sais pas si ça va être la prochaine mode avec Samuel Girard qui va twitcher sa bouche. C'est ça, Sam va se twitcher en train de se brosser dents. Non, c'est une vue large, tu peux montrer 3 dents à la fois. Ou encore, tu peux zoomer sur une dent en particulier. Profix va se mettre en paire avec Bluetooth et Wi-Fi. Ça demande une application sur iOS. Je viens de voir la fille, là. Tu trouves pas qu'elle était peurante en te regardant de même, la fille, sa photo? J'ai vu, puis j'ai fait comme... Ah, c'est vrai, ouais, un peu, hein? Crime, on dirait de... Tu sais, dans How I Met Your Mother, Crazy Eyes. Ah, c'est Crazy okay. Eyes, bref. Il y a une version Android en développement. On peut précommander la brosse et 4 différentes têtes pour 300$. Éventuellement, ça va se vendre pour 400$. Et pour comparer, une brosse électrique Sonicare ou Oral-B coûte entre 25 et 190$. Donc, c'est environ le double. Profix, c'est plus cher, mais c'est quand même un produit pour les gens qui ont des problèmes dans la bouche et qui ont besoin de surveiller ça constamment. Ça pourrait être une bonne option. Ensuite, Hector, le petit cube qui vous informe de la pluie et du beau temps. Oh. Hein? Des fois, on se demande bon, quelle température il va faire, combien il fait même à l'intérieur de la maison, peut-être dans la chambre des enfants, bon, des trucs comme ça. Hector peut répondre à ces questions-là. C'est une station connectée conçue et fabriquée en France par une jeune entreprise basée à Angers qui propose une alternative simple et peu onéreuse aux produits existants. Déjà connu des professionnels, Hector est désormais commercialisé vers le grand public. Hector n'est pas le concierge d'un grand hôtel, c'est plutôt un cube. En fait, c'est une station météo connectée qui tient à la paume d'une main. Okay. Grâce à ses capteurs intégrés, elle peut relever la température ambiante, le taux d'humidité et mesurer la pression atmosphérique. Lorsqu'on passe à proximité avec son smartphone, Hector transmet ses informations par liaison Bluetooth. L'appareil fonctionne aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça peut surveiller la température, l'humidité d'une pièce, celle d'un réfrigérateur, l'hygrométrie, si c'est l'humidité. D'une cave à vin ou à cigare. Il peut donner une prévision météorologique à 24 heures. Toutes les informations passent par l'application mobile disponible sur Android et iOS. C'est surtout donc les professionnels que la jeune pousse à chercher à convaincre. Les restaurateurs, par exemple, qui ont une obligation d'enregistrer les températures dans leur réfrigérateur et les chambres froides, par exemple. On pourrait avoir la température, pardon. Marque pas, Mathieu, marque pas. En temps réel. ça a déjà été vendu à 3000 exemplaires. Et ça veut désormais séduire le grand public. Donc, allez voir les informations sur assemblagerequis.com par rapport à d'autres fonctions que ça pourrait faire et peut-être même vous le procurer vous-même. Maintenant, c'est une barbe de brillant, tu sais, des glitters. C'est un ensemble qu'on peut s'acheter pour faire de votre barbe une barbe à glitter. Non. Ouais, c'est Firebox qui vend le Glitter Beard Kit pour 22$. Donc, la description de produit dit que c'est un peu comme le Vajazzle. Je sais pas si tu connais la mode du Vajazzle. Non. C'est de se mettre des brillants dans le JJ. Ouais. Ouais, pour avoir l'entrejean pétillant, comme dirait le restaurant sur le boulevard à côté du métro. Hein. L'entrejean pétillant, ça, j'en reviendrai jamais de ce restaurant-là. L'entrejean pétillant. C'est un restaurant. À côté du maman pasta, là. Ouais. Ouais. Non. L'entrejean pétillant. Repasse par là, puis dis-moi ce que t'en penses. Eh boy. Comme non. Bravo. En tout cas. Bref. C'est un peu comme un Vajazzle pour le VJJ, sauf qu'à la place, c'est pour la barbe. Hein? Donc, ça inclut tout ce que vous avez besoin pour avoir une barbe remplie de petits glitters. Hein? Sauf, évidemment, ça vient pas avec la barbe. Ah non, c'est sûr. Il faut se la procurer soi-même pour un frais additionnel. J'imagine de juste attendre, justement. Oui, parce que tu dois économiser sur les lames de rasoir. Oui, probablement, oui, c'est ça. Voilà. Et j'imagine que si tu veux en avoir une en tant que femme, ben, il va falloir que tu le fasses sur ton, encore une fois, VJJ. Pas le choix. Sur ton VJJ. Ensuite, c'est des casques, des masques. Ah, ça fait peur un peu. Oui, ben, mais ça fait peur. Je veux dire, on s'attend à un meurtre à l'Université de Toronto avec un masque de même. Je veux dire, c'est... Eh boy. Ouais. Donc, un masque d'animal qui va bouger la bouche lorsque tu parles toi-même. OK. Hein? Donc, c'est des têtes réalistes d'une compagnie de costumes nommée Elope. Ça se vend sur le site de VAT19. Ça coûte 60$ par masque, ce qui est quand même raisonnable. Et ça bouge la bouche quand tu bouges ta mâchoire. Donc, ça donne l'impression que l'animal parle. Ça vient en format... tu sais, les pugs, les chiens pugs? Oui. C'est cute, à mort. Ouais, mais celui-là, il fait quand même peur. Ouais, c'est vraiment direct quand même que manger un coup de poil en face. Ouais, ouais, ouais. Format renard. Et format loup. Hein? Je pense que le pire, c'est le renard. Il fait vraiment peur. Il fait vraiment peur. Oui. Mais peut-être que tu pourrais te déguiser en mouton en dessous. Ah. Parce que tu sais, un mouton avec une peau de... Non, c'est le contraire, je pense. Il y avait une peau de mouton puis un casque. Oui, fait que tu portes un casque, un masque de loup. Oui. Tu mets un costume de mouton par-dessus. OK. Pour aller manger une grand-mère. Une grand-mère. Ou son veggie. Ensuite, une boîte... C'était terrible, ça, comme Mathieu. Une boîte maintenant par abonnement, on en a toujours à chaque semaine dans cette émission-ci. Donc, une boîte par abonnement qui s'appelle le M-Box. Pas Inbox, j'ai dit M-Box. Pas M-Bop, j'ai dit M-Box. Et voilà. Ouais. Donc, un service par abonnement par mois qui vous envoie du weed. Encore? Oui, je sais. Je sais. Donc, c'est un club de marijuana exclusif, le Club M, qui offre des produits par abonnement par mois. C'est rempli de produits du cannabis de très haute qualité. Il est directement chez vous, ben oui. Selon le site du produit, les Californiens peuvent maintenant avoir un envoi mensuel, thématique, bien choisi, sélectionné, de cannabis premium, de concentré, de vapoteux, de trucs mangeables et de fleurs, et de la marchandise sélectionnée, et même de la musique, sûrement un disque de Snoop Dogg à chaque relaxation. Mois. Non, si on veut. Donc, un M-Box, 97$ par mois. Faut être riche en maudit. Faut être riche, puis faut surtout dire que ça prend la recommandation du docteur pour avoir la marijuana médicale. Absolument. Ça, c'est bien de le rappeler. Absolument. C'est pas petit Joe la bisoune qui peut aller s'acheter ça, là. Non. voilà. Donc, ça s'appelle le Club M. Ensuite, ça, c'est vraiment parfait pour les gens qui sont un petit peu paresseux. Tu sais, quand tu fais ton lavage, déjà que faire le lavage, c'est déjà plate. Mm-hmm. Surtout quand t'es au troisième étage, faut aller faire ton lavage au demi-sous-sol. Ouais, hein, Mathieu? Tu sais, hein, Mathieu? Donc, c'est une machine pour plier ton linge. Ooh. Mais c'est la machine qui le plie pas toi. OK. Ça pourrait tout changer. Ça s'appelle le Foley Mate. C'est un appareil qui est fait pour profiter donc d'un tierce partie pour plier ton linge. C'est un robot qui peut défroisser et plier tes vêtements. Ça peut même les parfumer. Oh! Wow! La machine, donc, a une date de sortie très lousse pour l'instant de 2018. Ooh, et un quand prix même. Ciblé entre 700 et 850$. Si on s'imagine que dans deux ans, les prix vont sûrement avoir augmenté. Sûrement. Donc, voilà. Sinon, dans la petite vidéo, il y a quelques détails de plus, j'imagine. Ah, c'est une vidéo de 11 secondes. C'est clairement un concept, là, mais les bras robotiques... Oui, ça fait juste expliquer comment est-ce que ça plie. Ben, ça fait un peu comme dans les magasins avec les... je sais pas si tu as déjà vu les morceaux de plastique qu'ils utilisent pour les chemises. Ça fait un peu ça. C'est exactement pareil, je trouve. Sûrement d'ailleurs que tu peux acheter ces plaquettes-là sur eBay pour probablement 2$. Probablement. Maintenant, cette image-là me fait sursauter à chaque fois que je la vois. C'est Nudie, N-U-D-E, qui est une version imprimée en 3D de ton propre corps. Pardon? Une version imprimée en 3D de ton propre corps. Mais pourquoi? Je sais pas. Donc, c'est la compagnie, encore une fois, Firebox, qui vend le Nudie. Donc, une version imprimée en 3D avec du plastique ou différents matériaux d'imprimante 3D. De toi ou de ton béguin, peut-être, ou ta famille, peut-être, aussi. Peut-être ton candidat à la présidence préféré avec des cheveux dans les airs, n'importe quoi. Donc, allez voir ça. C'est évidemment, dépendant de votre shape, ça va être très réaliste. Donc, demandez-leur pas de corriger votre forme. Ils vont le faire comme ils le voient. Calls them like a season. C'est vraiment traumatisant. Oui, il y en a des plus beaux que d'autres. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un gars et une fille en trois shapes différentes. Oui, c'est ça, exactement. C'est tout à la même face. Ouais. Ensuite, t'as un écran d'ordinateur qui prend soin de tes yeux. Ah! Paper-like, c'est le nom du premier écran d'ordinateur à la technologie d'encre électronique sur le marché. Encre électronique, un peu comme sur les appareils de Amazon, ainsi que certaines montres électroniques. Donc, c'est un écran qui peut rester allumé pendant des semaines et des semaines sans avoir besoin de batterie, parce que quand le texte apparaît, ça prend plus vraiment de courant quand le texte est apparu. Tout ce qui prend du courant, c'est de changer la page ou changer l'affichage, tu comprends? Donc, c'est un produit qui est destiné aux rédacteurs, programmeurs et gros lecteurs. Comme beaucoup d'employés de bureau, vous passez peut-être des heures par jour devant un écran d'ordinateur. Certains en ont des séquelles telles que des migraines ou encore un assèchement des yeux. C'est le cas d'un écrivain chinois nommé Dong Gong qui propose une solution. Cet auteur de science-fiction a effectivement fondé la startup Dasung qui lance le premier moniteur à encre électronique au monde. Ça s'appelle le Paper-like, un moniteur qui reproduit, comme son nom l'indique, l'aspect du papier. Comme un lecteur de livres électroniques tels que Amazon Kindle ou encore un Kobo, le produit exploite la technologie de l'encre électronique. Il s'agit d'un écran réflectif lisible par le biais de la lumière ambiante par opposition à un écran LCD conventionnel qui lui est transmissif et qui émet de la lumière. Dassault exploite la dalle la plus récente qu'on appelle Fina et la plus grande du fabricant E-Ink, numéro 1 du secteur. Le Paper-like offre une diagonale de 33,8 cm ou 13,3 pouces. C'est un très petit écran. Une définition de 1600 par 1200 pixels, donc du 4 tiers, 4-3, et un niveau monochrome de 16 niveaux de gris. Mais contrairement aux liseuses qui exploitent ce genre d'écran, telles que la fameuse Sony Digital Paper, ce modèle bénéficie d'optimisations adaptées à une utilisation comme écran d'ordinateur. Le fabricant promet ainsi un taux de rafraîchissement supérieur et un temps de latence inférieur à ceux des livres électroniques. Par exemple, dans un Kindle, quand tu changes de page, ça flash l'écran noir. Uh-huh. Ça enlève le texte, qui est un petit peu distrayant. C'est vrai. Donc, ça se destine aux rédacteurs comme j'ai, mais aussi aux programmeurs ou à ceux qui lisent de longs articles sur Internet. C'est aussi un moniteur d'appui, comme on dit. Donc, tu pourras avoir un moniteur normal ainsi que ça à côté pour la lecture. Ça fonctionne par USB pour l'alimentation. Donc, c'est pas fait. C'est pas comme un moniteur normal que tu branches dans le mur ainsi que dans l'ordinateur. 800$ pour une livraison au mois d'août en ce moment. Ça va être commercialisé au prix de 1000$ parce que là, présentement, c'est sur Indiegogo. 1000$ pour un moniteur secondaire, c'est très très cher. Ensuite, une pierre tombale en forme de iPhone. Ah non! Pour certains, l'iPhone est un objet tellement emblématique qu'il devrait reposer à nos côtés pour l'éternité. C'est en tout cas le pari de la société russe Autograph. La société Autograph a conçu ce modèle-là pour attirer l'attention des consommateurs et professionnels sur un salon spécialisé, mais son PDG explique que de plus en plus de commandes sont effectuées par les fans de la compagnie Apple. Et puisque le concept se transforme en succès commercial, les fans d'Android seront ravis d'apprendre qu'une version pour les smartphones Samsung est également prévue. Qu'est-ce que c'est? C'est une pierre tombale qui ressemble à un socle de iPhone. Et du socle sort un iPhone, mais en grand, ouais, avec la photo des grands-parents. Et j'imagine le message ici, c'est dans, je sais pas en quelle langue, peut-être russe, en dessous. Mm. Donc c'est ça, c'est une pierre tombale. Je dirais soit allemand ou juif. La langue juive, hein, c'est la langue. Non mais, langue juive. Je dirais allemand. Ok. Sinon, c'est quoi la langue des juifs, Tania? Je sais pas. C'est bon. je veux pas m'avancer parce que je veux pas avoir l'air aussi fou que toi. Je pense, c'est pas l'hébreu? Peut-être, attends, faisons la recherche. Oui, pendant qu'on arrête cette chronique là, parce qu'il faut encore que je m'en aille m'occuper de mon rhume. Donc on prend une petite pause avec une pièce, en fait, de... Tu disais quoi, Catherine, quelque chose tantôt que tu m'as dit qu'on allait entendre? Je me souviens plus trop de ce que tu m'avais dit. Oui, c'est une nouvelle entrée, c'est aussi du côté francophone, et c'est Compliqué que l'on va entendre, sa pièce Compliqué. Compliqué? Exactement. De Catherine, ça? De Catherine avec un K, oui. Catherine avec un K, hein? Catherine avec un temps. Mais Colin, je ne l'ai pas. Ah, ça va pas bien? C'est pas grave. On va en entendre une autre, alors. allons entendre, tiens, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu depuis un petit bout? The Dirty Mill. The Dirty Mill. Voici No Weaknesses. On écoute ça et au retour, plus de gadgets encore. Ah, son match requis. Je trouve c'est fou. C'était The Dirty Nil et Weaknesses. Je pense que la chanson était tellement violente qu'on n'a pas entendu que j'ai laissé les oiseaux dessus pendant toute la pause. Peut-être. C'est vraiment très violent. Au retour de la pause, on va continuer avec la fin de ma chronique. Ça ne devrait pas être là que j'ai fait en trois blocs aujourd'hui parce que ça va donc bien mal. Le sondage requis pour encore quoi? 2 heures environ. Oui. Vous êtes à Cibout? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes toujours à Assemblage requis pour la semaine du 13 juin 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, c'est toujours l'émission pénible. Pour l'animateur en question, j'ai hâte de te passer le bâton dans une quinzaine de minutes. Tantôt, ça va être très bien de passer le bâton pour une petite demi-heure. Donc, pour l'instant, on était en troisième partie de 16, mais ça ne devrait pas là parce qu'on essaie d'écouler quelques liens qu'on a accumulés depuis les derniers mois. On commence avec Thumb Dogs qui va changer n'importe quel gant en gant tactile. Mm-hmm. Vraiment très cool. Donc, c'est un ajout qu'on met au bout de son gant. Ça ressemble pas du tout aux autres affaires que j'ai déjà vues dans le temps. Dans le temps, on avait vu peut-être des boutons qu'on devait coudre au bout d'un gant. Okay. Et le bouton servait de tactile. Là, c'est vraiment... On vient comme rajouter ça au bout du gant. C'est comme des dés à coudre. Oui, exact. Je dirais. Donc, Thumb Dogs utilise ce qu'on appelle Gripper, donc G-R-R-P-R-R, et la technologie Leash, L-E-A-S-H. C'est une bande velcro qui peut être serrée autour de la manche pour l'aider à... autour de... Non, pas de la manche, mais du manchon, comme du dé à coudre, mettons, pour l'empêcher de glisser du gant. Donc, évidemment, l'hiver est terminé, mais pour le prochain hiver, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien aussi pour les gens qui font de la moto, du skate. Qu'est-ce qui pourrait utiliser des gants? Travailleurs de la construction? Oui. Policiers? Gens de l'armée? Gens qui... Michael Jackson? Mm-hmm. Pardon? Donc, un ensemble de 2 Thumb Dogs pour 15$ sur thumbdogs.com. Quand même, je trouve, assez bonne idée. Vraiment cool. Ouais. Pour 2, ça veut dire que tu peux mettre ton index et ton pouce. Donc, tu pourrais zoomer sur tes photos. Ah, pas pire. Regarde la porn avec tes gants. Mm-hmm. Hein. Ah, fait le bain qu'elle est là, hein? Ben ouais, hein? Fait le bain qu'elle est là. Ensuite, c'est le système de qualité de l'air. Ça, tu vois, ça m'intrigue un peu. Je pense souvent à des humidificateurs, ouais. Mais on pense pas tout le temps à la qualité de l'air. C'est vrai? Tu sais, à Trois-Rivières, notre air est pas tellement pur, hein? Apparemment. Donc, c'est un système complet, Emerald Air, qui va surveiller et nettoyer l'air autour de vous pour protéger votre famille des maladies et de l'inconfort. Ça détecte les substances nocives qui sortent dans l'air, donc qui affectent la respiration humaine. Aussi, ça enlève, ça détecte les substances dans les peintures, par exemple, l'air climatisé, votre propre respiration. Ça peut aussi filtrer des odeurs, de la fumée, des trucs comme ça, des allergènes même. Technologie de désinfection par lumière LED UV qui tue les bactéries et les virus dans l'air que tu respires. C'est bon, ça. Ça a l'air vraiment bien. Emerald Air. Donc, il n'y a pas de prix sur l'article. On peut s'imaginer que ça va être cher pas mal. Ah, les articles qui mènent vers d'autres articles, qui on s'en sortira jamais. Ça, hein? Mais c'est un projet d'Indiegogo, donc... je pense que j'avais le lien d'Indiegogo ici. Allons voir où c'est rendu. Ah, maintenant, il y a des pop-up par-dessus parce qu'ils veulent qu'on s'abonne à une lettre de nouvelles. Je vais l'avoir un jour. Indiegogo, projet Emerald Air, est rendu à 25 000 sur 30 000 $. Il reste encore 18 jours pour se rendre à leur but. Voilà. Ensuite, ça, c'est une sorte de peinture. Ça s'appelle le Slip It Sliding Compound. C'est un lubrifiant pour n'importe quelle combinaison de métaux, de métal, de plastique et de bois. Okay. Donc, ça rend n'importe quel bois glissant. Ah! On peut l'utiliser n'importe où pour que le bois doive glisser. Dans des endroits où le bois doit glisser contre du métal ou d'autres bois. Donc, tu peux le mettre, par exemple, sur un tiroir de bois qui colle tout le temps, tu sais, que t'as de la misère à voir. Fait que tu mets dessus, tu peintures et ça va... que ça va faire un meilleur frottement entre le bois et le métal. Quand même cool. Donc, ça s'appelle Slip It, c'est l'IPIT. Seal Free Sliding Compound. Ensuite, le Hack and Vass. De l'art dans la maison, c'est pas tout le monde qui a le talent pour découvrir ou en tout cas, peut-être choisir l'art correctement. Donc ici, c'est le Hack and Vass, A-C-A-N-V-A-S. C'est un cadre numérique de 23 pouces avec un angle de vision ou de visionnement très très large. Donc, on peut passer... mettons que c'est dans un corridor, tu peux passer d'un extrême à l'autre en voyant quand même le cadre. C'est pas comme un écran d'ordinateur où tu verras pas quand t'es sur le côté. Il y a jusqu'à 5 heures de durée de pile. Et une application qui l'accompagne, qui va choisir de l'art de partout dans le monde, spécifiquement pour toi, te permettant de les afficher avec un seul clic sur tes écrans. Donc, ça peut afficher tes propres photos, les images de ton téléphone. On peut personnaliser l'apparence par plein de facteurs. Et tu n'auras pas besoin de brancher les fils dans le mur, de passer les fils dans le mur du tout. Donc, quand la batterie ne fonctionne plus que les faibles, Hackenvoss va juste faire baisser son... Attends un peu. Ben oui, Hackenvoss va silencieusement descendre un cordon rétractable lui-même. OK. Le cordon rétractable va descendre et va aller se brancher dans la barre de chargement qui est sur le plancher automatiquement quand il manque de batterie. Le reste du temps, il n'y a rien sur le mur, pas de câble. Puis quand les batteries sont finies après 5 heures, brrr, toup, brrr. Hein? À radio, intelligent. Brrr, toup, brrr. Vous comprenez. J'espère bien que les gens sont assez visuels pour comprendre mes sons. Ensuite, c'est un habit de réalité virtuelle, mais pour ceux qui veulent avoir des relations sexuelles, hein? Donc dites au revoir au vrai monde, hein? Et videz-vous en temps record en entrant dans cet habit spécial Virtual Reality Sex Suit. L'habit vous couvre de la tête aux pieds et stimule votre corps pour ne plus jamais avoir besoin d'interaction avec les autres humains de ta vie. Donc ça va te stimuler le corps. Et là, t'as ton casque de réalité virtuelle sur la face en même temps. C'est juste vraiment troublant. 400$. C'est juste ça? Ouais, c'est pas cher. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dispendieux. Mais le gars a l'air de porter, je sais pas si c'est un habit de skidoo ou quoi. Genre, je sais pas, honnêtement. On dirait des combinaisons mélangées avec un habit de ski. On dirait un habit de... Tu sais, là, les bonhommes blancs dans Star Wars. Là. Oui, oui, oui, les Stormtroopers. Et voilà. C'est vrai. Surtout lorsqu'il a l'air de le faire avec un robot dans le plan d'en bas, la photo GIF animée. Je crois c'est comme un stimulant qui imite une poitrine, OK? Donc, on le voit comme... Il y a des cheveux dessus. Wesh, OK, oui, en effet. Tu vois-tu? Oui, c'est bizarre, ça. Mais bref, il y a comme un genre de silicone d'une poitrine sur un genre de tambour, OK? Et après le tambour, il y a un peu comme un flashlight, là, tu sais, le truc pour s'auto-faire plaisir dans l'entre-gens pétillant. Mais en faisant ça, c'est un gars. Valien. C'est un gars, mais lui, il regarde dans sa réalité virtuelle, dans son casque, il regarde des photos d'une fille. Oui. Donc, il a l'impression d'avoir des relations sexuelles avec la fille animée. OK, c'est pour ça que ça... OK, oui, je comprends. C'est pour ça qu'il y a une poitrine et le stimuli... Le stimuli, voilà. D'autres gens, voilà. Ben, tu sais, quand une simple poupée gonflable ne te permet plus d'aller là où tu veux aller... Et quand il y a personne qui veut de toi, que t'es désespéré... Achète-toi ça. Ensuite, c'est des haut-parleurs transparents dans un tout autre domaine. Ben, à moins que tu l'écoutes, que t'écoutes de la porn avec ton système de son. C'est dans un autre domaine, sinon. Donc, c'est des haut-parleurs transparents sans fil. Qualité audiophile dans votre maison sans dépenser trop d'argent en achetant ces haut-parleurs transparents. À part son apparence assez étonnante, parce que oui, c'est comme un cube ou un prisme rectangulaire. Mm-hmm. Complètement transparent, t'as seulement le haut-parleur en avant qui est de la couleur d'un haut-parleur et les petits fils qui passent de là. Ça utilise la technologie DECT, D-A-C-T, qui va changer comment le son est envoyé à vos oreilles. Ça dit pas comment, mais quand même. Ça coûte 2500$ pour tout cet ensemble-là. Wow, cher. Mais c'est quand même très joli. Vraiment très beau. C'est vraiment beau. Dans le temps, c'était bien populaire, les trucs transparents. Je me rappelle, j'avais un Game Boy transparent, j'avais un Nintendo 64 transparent. Est-ce que c'est revenu à mode, ça, un peu, les transparents? Là, je te dirais la dernière année, mettons, parce qu'à un moment donné, les sandales transparentes étaient à mode, les sacoches transparentes étaient à mode, fait que peut-être que c'est dans les mêmes temps. Les bassins transparentes, ça en est pour quand, ça? Non, ça, je pense que ça arrivera pas tout de suite. Joke de mon oncle! Ouais. Allons-y, j'ai deux nièces. Crayola change vos dessins d'enfants, les dessins de vos enfants, pas vos dessins que vous avez faits de vos enfants, en toutou. Oui, ça, c'est vraiment cool. Vraiment le fun. Donc, tout le monde aime dessiner quand on a l'âge de dessiner, même que c'est devenu à la mode pour les adultes de dessiner et de colorier. Ah oui, je fais ça moi aussi. Absolument. Donc, tu fais ça pour vrai? Oui. Ah oui? Bon. Donc, tu peux prendre tout simplement une photo du dessin que ton enfant a fait, envoyer par courriel ou par message texte à Crayola et t'attends que leur équipe de designers change ça en peluche de polyester hypoallergène de 16 pouces. Et ce qui est cool, c'est qu'ils vont faire vos jouets à la main et ça coûte seulement 89$ pour une poupée de 16 pouces ou 118$ pour 30 pouces. Ça va prendre 4 semaines environ après l'envoi du dessin. Et c'est pas limité aux enfants. Vous pouvez aussi, toi, mettons, Tania, tu ferais un dessin, tu pourrais aussi t'en faire faire une peluche. OK. Sur imaginables.crayola.com. Ensuite, pour un chat raffiné. Un chat raffiné, parce qu'à un moment donné, un chat dans une litière grise comme tout le monde, il fait comme moi, mais c'est parce que tu me prends pour qui, un chat normal? Je suis comme supposé ton chat spécial. Hein? Donc, c'est une litière vraiment luxueuse. Ça s'appelle la Refine Litter Box de Refine Feline. Donc, c'est un cabinet de bois décoratif au premier regard. Au premier regard, oui. Mais c'est aussi un meuble qui cache une litière à l'intérieur. Et votre chat passe à travers une porte sur le côté. Il y a un liner de plastique pour et des murs très, très élevés pour contenir la litière et pas que ça coule de nulle part. Et ça a quatre portes cabinets, si on veut, pour nettoyer facilement. Ça a aussi un tiroir pour mettre des produits en haut. Et ça a aussi un mur renversable ou retournable pour entrer à gauche ou à droite de la litière. Ah! Et on vend aussi un litter catch pour à l'extérieur de la porte. Si votre chat, des fois, envoie la litière par dehors, des fois, là, vers la porte, il y aura un attrapeur, on attrape la litière en avant de la porte. Voilà. Donc, vous allez bien sûr profiter de, faire profiter votre chat, mais aussi vous, parce que vous n'aurez pas à avoir une litière LED. Je crois que c'est la petite plaque sur le côté à gauche, avec des fentes sur le bord de la photo. Je crois que c'est ça qui attrape la litière quand le chat sort de la litière, d'après moi. Donc, disponible en plusieurs couleurs, c'est du bois. Donc, ça peut être noir, ça peut être bois pâle, bois foncé. Et il y a des petits filtres sur le côté pour les odeurs aussi. Donc, c'est quand même bien fait. Et il y a même, je sais pas, mais je vois que c'est branché à, dans le mur. Je sais pas pourquoi c'est branché dans le mur. OK. Peut-être un système d'aération, peut-être une fan pour sortir l'odeur. D'après moi, peut-être une fan pour sortir l'odeur. Ça aurait du sens. Ensuite, pour ceux qui veulent justement se sentir aussi luxueux, bon, tu viens d'acheter une belle litière en bois à ton chat. Oui. Donc, tu veux pouvoir être classe partout maintenant, dorénavant. Mm-hmm. Donc, tu vas t'acheter un nœud papillon, un nœud boucle, truc. Et oui, un nœud papillon. Un petit linge, un petit chiffon tissu, un petit mouchoir de tissu qui va dans la poche. Mais tout ça brille. Ah, ça s'appelle Dieu. Glowing Bowtie and Pocket Squares de la compagnie Illuminated Couture. Donc, c'est du satin, le petit carré et le nœud papillon, avec des lumières LED à l'intérieur pour illuminer de façon uniforme. Ça peut être allumé ou éteint simplement en appuyant sur un petit bouton. Et ça a l'air complètement normal lorsque ce n'est pas allumé. Batterie rechargeable qui peut être vue pendant 24 heures d'utilisation continue avant d'avoir besoin d'être rechargée par câble USB. Donc, c'est parfait pour n'importe quel mariage, petite sortie en ville. J'espère que ça coûte pas très cher. On va aller voir. Parce que c'est pas super cute. Pas tout à fait, c'est sur une boutique Etsy. Ça, on dirait un faux magicien. Tu sais, là, les magiciens dans les fêtes d'enfants. Là. Ouais. Bon, ben, ils pourraient s'acheter ça, mettons. Ça coûte 46 $ canadiens. C'est fait à la main, c'est envoyable partout dans le monde depuis les États-Unis. Ça, c'est seulement pour le mouchoir, c'est pas pour le papier. Mais boy. Ouais. Ensuite, allons-y avec une génératrice portative compacte. Oui. Pour faire fonctionner toutes vos machines en vivant sans électricité. C'est 120 000 milliampères. C'est une génératrice de 120 000 milliampères qui peut être chargée par électricité, par le soleil ou par une prise qu'on branche dans le mur. Il y a trois sortes de sorties. Donc, 12 volts pour l'allume-briquet de la voiture, une prise AC et quatre ports USB. Donc, tu peux brancher plusieurs appareils portables ou peu importe, disque dur, téléphone cellulaire. Pour 500 $, il y a une belle, c'est en aluminium brossé. Alors, en tout cas, je crois. C'est beau, en tout cas. Oui, très beau. Et il y a même une poignée en aluminium aussi. Ouais. C'est très joli. Voilà, on va arrêter là. Je suis plus capable. Parfait pour du camping. Ouais. Du camping, c'est tout ça. C'est tout pour du camping. C'est une bonne chose. Moi, j'aimerais ça avoir ça. Ça ne coûtait pas 500 $. Ouais. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On va retourner en musique. On va l'entendre une autre pièce. En fait, veux-tu me dire c'était quoi la pièce de Catherine? Je vais aller la chercher sur le site. C'est compliqué. Compliqué? Juste compliqué? Juste compliqué. J'espère qu'on va la trouver facilement. Catherine, K-A-T-R-I-N-E. Exactement. Ben oui, on a ça. Caroline, ça tombe-tu bien? Pareil, on va entendre ça à Assemblage Requis sur C'est Fou 89. Et après ça, c'est Agnès Gunn Entertainer. Et voilà, oui, tout à fait. Ah, ben si YouTube n'était pas sur muet, ça pourrait jouer mieux. On va finir par l'avoir. Ouais. Tout rapport humain est compliqué. Même avec moi-même, j'ai des problèmes. Alors comment voulez-vous qu'on n'ait pas de problèmes si avec nous-mêmes on a déjà des problèmes? Ces problèmes ne sont jamais les mêmes. Au cours d'une journée, on n'est pas pareil. Alors imagine 8 milliards d'êtres humains. Imagine tous ces rapports humains. Et dire qu'on était une goutte de sperme. Et dire qu'on était une goutte de sperme, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Regardez-moi ce groupe de rollers qui mobilise le boulevard Pasteur. Pourquoi simule-t-il le bonheur? C'est parce qu'ils n'ont ni perdant ni vainqueur. Une armée sans joie, voilà ce que je vois. Fuck you, fuck you, fuck you. Tout, je vois tout, tout. Tout rapport humain est compliqué. Même avec moi-même, j'ai des problèmes. Et dire qu'on était une goutte de sperme, plus fort que les autres gouttes de sperme. Et dire qu'on était une goutte de sperme, plus fort que les autres gouttes de sperme. Wow, Philippe Catherine qui est de retour avec sa chanson compliquée. Il s'appelle maintenant seulement Catherine. C'est pas nécessairement le genre de musique qu'on aime, nous autres, à Assemblage Requis. On croyait vraiment pas que c'était cette personne-là, en plus. Non, c'est ça, on pensait Catherine comme une Catherine, mais c'est Philippe Catherine, comme dans le temps, là, celui avec la banane, puis la moustache, puis les autres chansons comme ça, bizarres. Il y a Denis Janvier qui anime le Dîner de con en période scolaire, qui adore Philippe Catherine, donc on va lui laisser. Au retour de la pause, ça va être la chronique de Tania. Oui! Tania is gonna to Tania, et ça va être pas mal meilleur. Ah, j'espère. Je vais faire mon... Qu'est-ce que ça? Je vais faire mon petit. La barre est pas tant haute. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou? 89. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. C'est toujours Assemblage requis pour la semaine du 13 juin 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Ah oui, oui, oui. Mathieu Plante qui en a profité de cette petite pause qu'on vient de vivre ensemble pour se mettre 3-4 minutes. Se ploucher des choses dans le nez. Je me suis mis du Drixaral qu'on m'a conseillé comme produit depuis longtemps. J'en Moi, j'ai déjà utilisé ça. En fait, j'utilise ça à chaque fois que j'arrive pour animer quelque chose de très long. Pour vrai? Oui, oui, oui, exemple, que je m'en vais faire la télévision, je me splouche ça dans le nez. Ben arrête donc ça, toi. Tu m'as jamais dit ça, ça fait un an qu'on est ensemble, genre. Je sais. Jamais... Ça, puis la petite baleine, là, qui lave tes... HydroSense. Ça, je m'en sers déjà, je m'en sers déjà. Ça, là, c'est the perfect combo. Colin, moi qui te parle tout le temps de mes affaires, le problème, puis tu m'as jamais dit Drixaral, je t'en voudrais pour toujours. Je suis désolée. Ça va que tu apprécies d'autres gens plus que moi. Oh non. Tu prends pas soin de moi. Mais non, mais non. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai, hein. T'es prends soin de toi, je te parle des nouvelles à Chasse-Galerie. Ouais, je sais, tu vois. Tantôt, Tania a joué un petit peu ma Wing Woman. Et voilà. On s'entraide l'un l'autre. Hey, c'est une excellente Wing Woman. On s'apprécie, je pense. Et Tania. Voilà. Justement, tiens, je vais pouvoir te laisser le bâton pour la prochaine demi-heure. Je trouve ça tellement wrong comme expression. I know, right? Hey, je te passe le bâton. T'en fais ce que tu veux. T'en fais ce que tu veux. Non, ben c'est parce que c'est à toi de parler pour les prochaines minutes. Oui. Nous va divertir un petit peu comme tu sais si bien le faire. Voici Tania is gonna entertain you. Est-ce que je suis capable de chanter? Ouh, je sais pas. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain ya. And she's gonna entertain ya. Hey, salut Tania. Hey, hey, hey. Hey, hey, ho, ha, ha, ho, ho. Hello. Hello. Aujourd'hui, on parle de ton domaine préféré, là, à part les sports, les chars. Ouais. Internet. Bien, domaine préféré, peut-être pas, mais je pense que c'est assez important dans la vie de tout le monde maintenant. Oui, ben c'est ça. Mais t'es social, particulièrement social. La technologie, puis tout ça, ouais. Et voilà. Donc, de ce côté-là, je honnêtement... aujourd'hui, j'avais de la difficulté à trouver de quoi je voulais parler parce que c'est l'été. Les sujets de l'été, on en a déjà pas mal, presque tous parlé. T'sais, j'ai parlé de quoi faire durant l'été comme activité. J'ai parlé de crème solaire. T'as parlé de jardinage. J'ai parlé de jardinage, mon T'as Dieu. T'as creusé loin pour ça. J'ai parlé de jardinage. Tu t'en veux ou? Je m'en veux pas, mais je m'impressionne des fois. Tu vas t'appeler Louise Deschartres tellement t'es voilà. polyvalente. Là. As-tu vu? C'est malade. Malade. Louise puis moi, pareil. Oui. Et voilà. Non, mais aujourd'hui, je voulais... Tu l'appelles Loulou? C'est ça, exact. Dans mon cercle d'amis, non, c'est vrai. Aujourd'hui, je voulais vous parler de certaines choses. Tu sais, quand on est sur Internet, bien souvent, ça va devenir redondant assez rapidement ce que l'on regarde et ce qui va arriver sur notre fil d'actualité. Bon, encore un autre bébé. Exact. Tu sais, exemple, si vous vous intéressez à certaines pages sur Internet, bien souvent, c'est dans ces semblables-là qui vont revenir dans... Oui, bien, il y a un algorithme Facebook exactement. Qui sait ce que tu veux voir. On disait déjà ça l'autre jour. Mais là, je me suis dit, tu sais, des fois, t'as le goût de changer de cercle de connaissances, tout rien, simplement. Oui, c'est ça. Oui, exactement. À part te loguer sur le compte d'un autre animateur, comme je fais tout le temps, parce que Skypunka ferme jamais sa maudite fenêtre de Facebook. Tabarnou. Et voilà. Donc, de ce côté-là, tu sais, arriver à ouvrir ses horizons et se dire qu'est-ce que je veux regarder. Tu sais, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Internet. Tu sais, parfois, on veut tout simplement varier notre sujet de lecture, notre sujet de regard, parce que si ouvrir on est ses sur... horizons. Exactement. Si on est sur Instagram, on s'entend qu'on lit pas beaucoup, là, on va plus regarder. Alors, j'ai quelques suggestions. En fait pour vous. Et ma première suggestion, j'en ai déjà discuté, si je me souviens bien, mais je crois que c'était durant l'hiver, Mathieu, puis j'en avais discuté dans les femmes inspirantes québécoises qui devraient peut-être faire plus parler d'eux en 2016, et elle fait parler d'elle de plus en plus. Alors j'adore ça, finalement, je lis l'avenir. Louise Deschâtelet, c'est ça? Oui, exact. Louise Deschâtelet est revenue à la mode. Non, c'est... Les années 90 sont revenues, tu sais. C'est ça, exact. Ça me rend ville 2 sûrement bientôt. Je vous avais parlé quand même il y a quelques temps de Mitsou Gilina, une animatrice que je pense tout le monde connaît assez bien ici au Québec. Mais je vous avais parlé aussi de son site Internet. Elle avait elle-même lancé son site Internet qui, dans le temps, était beaucoup plus un blog pour laisser aller ses pensées. Puis, par la suite, plus ça avançait, plus elle voyait qu'il y avait de la popularité au niveau de son site Internet. Les gens la lisaient et les gens étaient curieux aussi de voir certains collaborateurs et certaines collaboratrices sur son site. Alors, c'est un peu ce qu'elle a fait. Elle a lancé son site Internet. Elle est allée s'allier de plusieurs collaborateurs et collaboratrices. Est-ce qu'il y a Abel Gélina? Quelquefois. Je l'aime bien. Oui, ben c'est sa sœur. C'est ça? C'est ça. Et plus dans mon range. Oui, c'est ça, exactement. Alors, de ce côté-là, elle a vraiment mis son site Internet comme un blog de tous les jours. On en a vraiment fait comme une page d'actualité et c'est vraiment très intéressant. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de sujets qui sont masculins, je suis désolée, mais c'est beaucoup plus féminin. Mais tout ça pour vous dire, parce que je vous avais déjà parlé du site Internet, je vous avais déjà parlé de Mitsou, mais je voulais venir sur le fait qu'elle a décidé de lancer son site Internet la semaine dernière en anglais. Oh wow! Et on s'entend, c'est quand même assez rare que l'on va voir un site Internet francophone décider de faire le pas après tant d'années vers l'anglophone. Tu sais, ça va plus se voir si, exemple, c'est déjà anglais, puis là, les Français veulent quelque chose en français, donc on va faire la traduction sur le site Internet. Mais là, on ouvre vraiment cette porte-là plus loin que le Québec pour Mitsou. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant Mitsou, de le mentionner. Là. Mitsou, dans les marchands anglophones. Mitsou. Non, est-ce qu'il appelle « put it on the bottom » Put it on the bottom! Mitsou! C'est le Mitsou! C'est mis en dessous. C'est le Mitsou? Put it on the bottom! Je pense pas qu'il l'appelle comme ça. Ça serait beau comme nom. Hey! Oui. Put it on the bottom! Ben oui, hein, certainement. Je pense pas, Mathieu. Je pense pas. Je suis désolée. Je vais continuer le passé. Ouais, ça devrait être ça. Fais ça. Ouais. Boy. Yeah, boy. Mais je trouvais ça vraiment intéressant parce que, comme je le disais, ça ouvre vraiment un horizon à Mitsou qui peut-être n'était pas là depuis plusieurs années. On s'entend, Mitsou, elle est connue au Québec, elle est connue aussi au Canada, mais moi-même, je ne savais pas que Mitsou se débrouillait très, très bien en anglais. Et si vous allez dans la section culturelle de son site Internet, c'est un petit peu là que je suis allée me promener dernièrement et je suis tombée sur des personnes qui sont assez très, très inspirantes aussi. Mais elle-même a fait quelques vidéos à ce qu'on appelle le C2 Montréal. C'est comme un congrès sur ce qui est technologie et sur ce qui est avant-gardisme et tout ça. Et elle l'a tout simplement présenté dans un des vidéos une Québécoise qui... doit pas être super connue au Québec. Alors, j'ai décidé de vous la présenter. C'est ma deuxième suggestion de site Internet. C'est ElizabethPlank.com. Qui est Elizabeth Plank? Bien, Elizabeth Plank, c'est une Québécoise, comme je disais tout à l'heure. Si vous lui parlez en français, elle va vous répondre là, comme je vous parle là. Mais elle, c'est vraiment genre la planche, son nom de famille. Donc, probablement. Ouais. Probablement. C'est Reg la planche. C'est probablement mais ça. C'est Reg la planche, c'est ça? Oui, c'est Reg la planche. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je sais. Mais probablement qu'Elisabeth Plank, c'est Elisabeth Laplanche aussi. C'est sûr, j'en ai aucune idée. Hey, je sais pas. J'en ai des questions, moi. C'est je suis présent mentalement. Je me suis pas arrêtée à cette question-là, à savoir si son nom de famille était vraiment Plank ou Laplanche. Mais bon, tout ça pour dire que si vous cherchez quelque chose de nouveau à regarder, parce que là, on est dans cette ère-là, là, je suis en train de vous parler d'ouvrir vos horizons sur ce que vous regardez sur Internet, eh bien, sachez qu'Elisabeth Plank, c'est une Québécoise qui vit maintenant à New York. Elle vit à New York depuis quand même assez longtemps, mais elle est très, très, très connue pour tout ce qui est politique et tout ce qui est dans la presse récente, là, dans l'actualité. Elle discute beaucoup de ça, mais comment est-ce qu'elle en discute? Elle en discute avec humour. Et c'est ce qui fait vraiment la distinction d'Elisabeth Plank sur plusieurs autres personnes qui vont discuter de ce genre de sujet-là. Si vous tapez, exemple, Elisabeth Plank sur YouTube, bien, vous allez trouver des vidéos qui ont des sujets très, très, très, très, très intéressants, mais qui sont abordés avec de l'humour. Donc, pour vous faire un exemple, elle avait déjà passé à Tout le monde en parle je pense que ça fait un an à peu près, pour une vidéo qu'elle avait filmée avec certains de ses co-workers. Collègues de travail. Voilà, collègues de travail, merci Mathieu. Et elle avait tout simplement demandé à des hommes de dessiner le système reproducteur d'une femme. Eh boy! Ouais. Oui, oui, oui. Pas capable. Ça, c'est dans le temps où que certaines lois sur d'abortion. Sur quoi? Avortement? L'avortement, merci okay. Mathieu. Sur l'avortement, était en train de se faire voter simplement par des hommes. Oui, oui, oui. C'est des à ce moment-là, blancs, exactement. Dans la 60. Donc, dans la vidéo, ce que l'on peut voir, et c'est très, très, très humoristique, je tiens à le dire, on demande à des hommes, elle demande à des hommes elle-même de dessiner le système reproducteur féminin, et il y a seulement une personne qui a réussi à le faire assez correctement. Okay. Et cette personne-là était homosexuelle. Oh, wow. Alors, elle a tout simplement amené le sujet de façon assez très comique parce qu'au début du vidéo, on sait absolument pas de quoi il s'agit. Ça commence vraiment, elle demande à un gars de dessiner un système reproducteur féminin. Et par la suite, on commence à comprendre que le sujet discuté dans le vidéo va tout simplement être le fait que les hommes qui choisissent les lois présentement qui rentrent dans la vie des femmes de très, très, très près, sont simplement votés par des hommes qui ne sont même pas capables de comprendre le système reproducteur féminin. Comprennent la Bible, par exemple. Exactement. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment ce genre de vidéo-là que vous allez pouvoir voir si vous suivez Elizabeth Plank. Il y en a plein, plein d'autres. Là, présentement, elle suit la campagne électorale de Donald Trump. Mmh. Allez voir les vidéos humoristiques qu'elle fait. C'est assez drôle, merci. Elle parle aussi à certaines reprises d'Hillary Clinton, et dans la position des femmes dans la politique. Donc, on parle vraiment beaucoup de politique. On parle aussi de d'autres sujets. Vous pouvez aller lire certains de ses articles. C'est une fille qui s'est faite connaître à MIC. C'est M-I-C. C'était à Toronto, si je ne m'abuse. Et c'est comme ça qu'elle avait fait... s'était fait connaître parce que avant d'écrire un article qui a vraiment été poussé pour elle, bien Mick n'avait pas vraiment été connu. Donc, elle a propulsé Mick et elle a aussi propulsé elle-même et elle est devenue une personne de choix dans plusieurs émissions américaines lorsqu'il s'agit de discuter de politique. Je dois vous avouer qu'elle a quand même un CV assez remarquable, merci. Elle est diplômée de plusieurs écoles de politique et de sciences politiques, entre autres Londres. Mais c'est une fille très, très, très intéressante à écouter. Et comme je vous le disais, bien, l'humour vient vraiment amener cette facilité-là à comprendre de quoi elle parle. Parce que bien souvent, ces vidéos vont être à titre indicatif, vont être aussi à titre, comment je pourrais dire, simplement pour... Se mettre au sujet d'eux. Donc, vous allez voir que, si jamais ça vous intéresse, les vidéos sont très, très bien faites et l'humour vient alléger les choses et vont souvent venir alléger les termes compliqués qu'on a de la difficulté à comprendre en politique. Et c'est un petit peu pourquoi Elizabeth Plank est si populaire présentement, c'est qu'elle rend les choses vraiment très comprenable et très drôle. Ouais. Voilà. Et je viens d'aller la suivre sur Facebook. Elle et, est très jolie aussi. C'est pas ce que j'allais dire, c'est pas ce que j'allais dire. OK. Mais merci de l'avouer. Ça fait plaisir. Quand même. Sans jalousie. Non. Mais j'ai vu plusieurs fois à la télé parce qu'elle travaille pour Vox et pour Mike qui sont... Des nouveaux médias super réputés. En ce moment, c'est exactement. Comme très à la mode. Vox, ils font bien leur recherche. C'est super bien expliqué. Donc, il faut encourager ce nouveau journalisme-là, je crois. Oui. Ouais. Ben, le journalisme... Tu sais, je pense que le journalisme médiatique sur Internet devient de plus en plus gros. Il y a quelques années, on disait que l'Internet allait devenir le futur. Ben là, présentement, on est là. Ouais. Et c'est un petit peu déplorable parce que malheureusement, ces personnes très, très influentes-là, et on s'entend, là, c'est une Québécoise dont... La plupart des Québécois ne connaissent pas l'existence et pourtant, c'est vraiment ceux-là qui, aujourd'hui, sont big, disons-le. Là. C'est eux qui ont vraiment le pouvoir entre les mains de nous faire connaître de nouvelles choses. Donc, de ce côté-là, comme tu le dis, c'est assez bien d'encourager ces nouveaux médias-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Génial! Le troisième site Internet dont je veux vous parler, c'est justinpluslauren.com. Là, je vous le dis parce que c'est en anglais. Ouais. Si vous désirez le lire en français, malheureusement, ça ne sera pas possible parce que c'est un site canadien. Je tiens à vous dire que tout ce que je vous présente présentement, c'est canadien ou québécois. Mais c'est vraiment très intéressant parce que ça a été un site finaliste dans les meilleurs blogs au monde dans la catégorie canadienne. Et qu'est-ce que c'est exactement Justin plus Lauren? Eh bien, c'est tout simplement un couple de végétaliens qui voyagent à travers le monde et qui en ont fait un blog. Et c'est vraiment très, très intéressant parce qu'on a des posts, je dois dire, aux 2-3 jours sur le site, mais on a aussi tout ce qui vient avec le végétalisme, justement. Donc, si on voyage, comment est-ce qu'on va être capable de s'accorder notre végétalisme au voyage qu'on va faire? Donc, ils font vraiment... des articles, des vidéos aussi sur tout ce qui est où aller manger quand t'es végétalien et que tu voyages ou comment est-ce qu'on s'en sort si jamais on trouve absolument rien. Il y a aussi des vidéos qui sont tout simplement très comiques, comme le style de vlog que l'on voit très très souvent sur Internet maintenant. C'est vraiment un site pour les amateurs de voyage. C'est vraiment un site qui, si jamais vous décidez demain matin de partir à l'aventure à l'autre bout du monde, bien, allez y faire un tour si vous partez à deux. Et surtout, si vous partez en tant que couple, peut-être que ça va beaucoup vous aider aussi sur comment gérer certaines situations en voyage. Oui, disons que ça doit être une épreuve pour le couple. Bien, certainement, hein, ouais. Parce que c'est beau de se dire « OK, on part en voyage, let's go », mais c'est souvent... Ce sont des épreuves qu'on n'a pas nécessairement fait en couple avant. Donc, un voyage, c'est comme un rallye, hein? Ouais. C'est qui me disait ça? Je pense que c'est ma mère qui me disait ça. La meilleure façon de savoir si ton couple va durer, c'est de décider de faire un rallye en équipe avec ton conjoint. Wow! Tu vas voir qu'il pue en maudit quand il ne se met pas de déo. Ouais. Mais je parle d'un rallye, tu sais, exemple, à travers la ville. Ouais. Parce que bien souvent, tu vas avoir un conducteur, tu vas avoir un co-conducteur, co-pilote. Ouais. Puis c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, c'est un petit peu la même chose qu'ils nous présentent sur leur blog. Et c'est vraiment très, très, très intéressant à lire. Vous allez voir. C'est un petit peu comme un journal intime, mais mis sur Internet, un petit peu comme à la bonne franquette de nos jours. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Le quatrième site Internet que je vous présente, c'est marinoelmarino.com. Ah oui, ancienne collègue. Ben oui, elle travaillait au Zone Campus dans voilà. le temps. Oui. Eh bien, elle aussi, elle fait parler beaucoup parce que je l'ai trouvée sur un site Internet qui nous présentait les meilleurs blogs québécois oui. de nos temps. Et c'est les plus beaux aussi, en passant. Oui, les plus beaux, c'est vraiment très bien fait. Son titre de blog, c'est « Marginal et heureuse ». Donc déjà en partant, tu te sens un petit peu rebelle quand tu lis ça. Oui, c'est ça. La vie que j'ai choisie. Exactement. Ouais. Et c'est vraiment un blog style lifestyle. On parle de bouffe, on parle de vie de femme, on parle de vie de famille, créativité, vie geek. C'est un onglet que peut-être que tu aimerais, Mathieu. On parle d'économie aussi. Alors, c'est vraiment pour tout style de personne. C'est sûr que du moment que c'est écrit par une fille, ça va peut-être plus toucher les filles que les gars. Mais pas particulièrement. C'est pas qu'elle est pas féminine, mais c'est pas la fille qui est le plus genre, tu sais, vernis. Non, t'sais. C'est ça, exactement. Ouais. Puis c'est ce que j'aime beaucoup à travers le blog parce qu'on parle vraiment de plusieurs choses différentes. Et c'est une maman à la maison. Ouais. Donc, il y a aussi des trucs là-dessus. Il y a une ouverture sur la vie de famille que peut-être on n'a pas nécessairement partout sur les blogs de nos jours. Donc, Donc, vraiment, de ce côté-là, les bouffes ont l'air vraiment très, très bonnes. Oui. Je sais pas qui prend les photos de son blog, si c'est elle ou quoi que ce soit, mais ça donne l'eau à la bouche, vraiment beaucoup. Et si jamais vous êtes du style à pas vraiment voir ou aller regarder ce style de blog-là, ben on parle d'ouvrir ses horizons. Allez faire un tour. C'est vraiment un blog québécois qui en vaut la peine. Et si jamais vous adorez... Là, je fais de la pub. Là. Si jamais vous adorez le site Internet, bien, elle a de l'espace de pub disponible. Tu fais de la pub. Tu te prends pour qui, Marie-Noël Marino? Parce que chacun Exactement. De ses posts est brandé par quelque chose. Mais elle fait bien de faire ça parce que ça doit lui apporter un petit revenu. Bien, c'est mais comme ça que... reste son opinion à elle c'est quand ça. Même. C'est bien souvent, c'est comme ça que justement, on parlait des médias sociaux puis de la nouvelle technologie. Puis tout ça, c'est souvent comme ça qu'on va réussir à pouvoir faire carrière sur Internet maintenant, exact. Mais c'est surtout de rester vrai envers soi-même. Donc, comme tu le dis, son opinion va vraiment être la sienne, mais ça va être brandé, ça va être appuyé par une compagnie qui va débourser quelques dollars. Il y a toujours une décharge à la fin de l'article contenu publicitaire de Exactement. S. Johnson. Puis tu sais, c'est correct de le faire. C'est comme ça que certaines personnes font leur revenu, comme tu disais. Donc, t'as pas vraiment le choix. Sinon, ça va être difficile de mettre à jour ton blog souvent parce que tu vas avoir aussi une job. T'sais. Exactement. Ça devient un partenariat, tu sais, ça va revenir par la suite, puis bien souvent on va créer un lien d'appartenance avec une certaine compagnie, donc blablabla. Bla, bla. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, le site est vraiment bien fait, comme tu disais, puis j'avais même pas vu l'onglet geek, alors j'ai comme le goût d'aller voir tout à l'heure les technologies, puis tout ça, comment est-ce qu'elle en parle. T'as pas tes lunettes aujourd'hui, pourtant t'es pas supposé être geek. Je sais, hein, ça m'arrive parfois là, quand j'ai mes lunettes. pour ceux qui trippent vraiment Instagram, qui sont tout le temps là-dessus, mais qui se demandent peut-être, OK, là, je suis allée de suivre la famille Kardashian au complet, puis l'autre belle famille. C'est pas ça, mais ben non. Okay. Mais si jamais vous voulez ouvrir vos horizons, vous dire que vous voulez voir peut-être d'autres contenus que simplement des déjeuners sur votre compte Instagram, bien, sachez que j'ai quelques idées pour vous. Le premier est le compte HelloBC. Qu'est-ce que c'est? C'est un compte Instagram simplement de photos de la... Colombie-Britannique. Colombie-Britannique, merci, c'est le British Columbia. De la Colombie-Britannique. Et ce sont des photos, oh my God, qui en valent tellement la peine. Et moi, je vous le dis, vous allez juste vouloir pacter votre valise puis partir en Colombie-Britannique après avoir regardé ce compte Instagram-là. C'est super bien fait. Ça me fait un petit peu penser à les nouvelles maisons de tourisme qui sont rendues sur Internet et sur les médias sociaux, tout simplement. Donc, j'ai comme l'impression que c'est vraiment sponsorisé par une maison de tourisme de la Colombie-Britannique. Sûrement que leur slogan, c'est « Hello, British Columbia ». Exactement. Mais ça vaut tellement la peine d'aller faire un tour sur ce compte Instagram-là parce que les photos sont à couper le souffle. Un autre compte Instagram que vous voudriez peut-être suivre, c'est Not Your Standard. Qui est-elle? Bien, c'est une Canadienne, une Instagrammer, maintenant qu'on appelle ça, là, parce que tu peux faire fortune là-dessus aussi. Oui, pendant que ça dure encore, profitez-en. Exactement. Donc, c'est une Canadienne blogueur, mais aussi Instagrammer. Puis, je vous amène vraiment sur son Instagram parce que beaucoup de photos, bien évidemment. C'est une Canadienne qui vit maintenant à Berlin. Et c'est une blogueuse de mode. Donc, si jamais la mode, ça vous intéresse vraiment, mais vous cherchez d'autres types, justement, que simplement les sœurs Kardashian, bien, sachez qu'il y a des Canadiennes qui vivent ailleurs et qui sont vraiment douées pour ce qu'elles font. Donc, allez faire un tour sur le compte Instagram. Peut-être que vous allez aimer les photos et peut-être que ça va vous amener aussi à d'autres comptes Instagram que vous allez découvrir par la suite. Puis là, vous allez suivre comme 1 000 000 000 de comptes Instagram puis vous allez être bien content. Vous n'allez jamais venir à bout de ça. Sérieusement, non, c'est sûr. Instagram, tu scrolls, ça prend 3 jours avant d'avoir fait la journée. Tu Exactement. Puis là, il y a comme la nouvelle chose aussi que si tu n'as pas turn on les notifications, si tu n'as pas mis les notifications à oui, c'est plus en ordre de temps. C'est plus en ordre de temps, c'est en ordre de ce que tu aimes. Il n'y a personne qui aime ça. Personne, parce que bien souvent, tes amis ne te voient plus dans ton Instagram parce que là, les autres qui sont... Puis si tu allumes les notifications comme ils veulent que tu fasses, tu vas avoir des pop-up tout le temps pour te dire que telle personne a posté. Puis ça... Et voilà. C'est pour ça que ça va arrêter Instagram, parce qu'ils vont tirer le pied. Ça, ou ils vont enlever le fameux notification. Oui. J'espère, en tout cas. J'espère que bientôt, ils le feront. Le troisième compte Instagram que vous devriez suivre si jamais vous voulez voir des photos qui sont vraiment hors de l'ordinaire et qui sont tout simplement jolies à regarder, bien, c'est le compte Montréalisme. Le compte Instagram Montréalisme, c'est vraiment un compte Instagram fait à Montréal et ce sont des photos d'un peu n'importe quoi, n'importe qui. Si jamais vous allez voir, il y a des touches d'humour aussi dans les fameuses paroles sous photo. Ouais. Donc, vous allez voir, c'est vraiment Montréal, mais sous un autre angle. Et on ne sait pas nécessairement qui est derrière la caméra. Ah, secret! Secret, on aime ça, on aime ça. Et le dernier compte Instagram que je vous propose d'aller voir, ça a été un des finalistes au World's Best Blog Canada, encore une fois. C'est Photo Junkie. Okay. Il y a aussi un site Internet, mais je vous dirais que le site Internet est assez difficile, pas à comprendre, mais à naviguer dessus, parce que du moment que vous voulez aller voir le portfolio, ça ouvre jamais. Ah bon? Donc, lui-même le dit sur sa page Internet, si jamais vous voulez le suivre, allez sur le compte Instagram ou encore Facebook. Là, vous allez en avoir pour tout votre argent de n'importe quel style de photo. Il y a des pugs, il y a des maisons, il y a... Tu sais, si vous tripez photo, là... Vous tripez simplement pour le besoin de voir quelque chose de différent, bien, allez vous abonner au compte Instagram Photo Junkie. Vous allez sérieusement trouver quelque chose qui vous plaît là-dedans. Junkie avec un Y ou un IE? Un IE. Un IE, d'accord. Un IE et photo au singulier. Ah, d'accord. Voilà, donc... Je fais ça. C'était mes suggestions parce que, bien souvent, comme je le disais, on a de la difficulté peut-être à trouver d'autres sujets de conversation ou tout simplement savoir qui suivre. Tu sais, si, exemple, on veut suivre quelqu'un sur Facebook ou sur Instagram ou sur YouTube, comment est-ce qu'on va s'amener à apprécier quelqu'un et tout ça? Donc, c'était mes petites idées. Bien souvent, ça se prend bien aussi l'été, sur le bord de la piscine, là, de scroller down sur Instagram ou de regarder des vidéos politiques avec un humour sur la coche. Alors, voilà, c'était mes suggestions de qu'est-ce que vous devriez regarder durant l'été. J'en ai pris plusieurs là-dedans. J'aime bien ce que t'as fait. Ce que j'aime pas de Facebook, c'est que tu peux pas suivre tout le monde. Je sais. Tu sais, tu devrais par défaut pouvoir suivre n'importe qui. Oui. Je comprends pas. Je comprends que tu puisses pas devenir ami avec eux, OK? Mm-hmm. Mais suivre, je vois pas pourquoi l'option est désactivée sur plusieurs comptes que j'aimerais suivre. J'en ai aucune idée. C'est pas très très social pour un réseau social, je trouve. Non. Hein? Ben. Merci, Tania Baudin. Ça fait plaisir. Une autre chronique, Tania S. Galin-Tchetania, la semaine prochaine à Assemblage Requis. On fait ça dans le milieu de l'émission environ, parce que Colin, c'est le fun. Ben oui. Passe au milieu? Ben oui. On prend une pause musicale. On s'en va entendre l'indice, nouvelle entrée du palmarès francophone. Voici la pièce Cecil ou Cécile. Assemblage requis sur C'est fou! 89 FM. Si j'avais su voler, je serais au bout du monde. Si j'avais su voler, je serais encore vivant. Mais je suis gros, beaucoup trop lourd, au bord de l'eau, au bord du fleuve. Je suis la proie. c'est l'indice avec la pièce Cécile, assemblage requis. Au retour de la pause, on va faire une grosse pointe en dresse. Encore une fois, on n'a rien à manger, mais des nouvelles de fast-food au retour. Restez là. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Pour l'écouter, 89.1. C'est fou.ca. Assemblage de billes. Vous êtes toujours à Assemblage Requis pour la semaine du 13 juin 2016. C'est Lethenia Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui. Mathieu Plante qui fait ses blocs en petites portions aujourd'hui. Hein? Mm-hmm. Donc, on va y aller avec quelques petits blocs rapides. Commençons par le premier. Hein? C'est le moment de parler de fast-food. Ouh! Hein? Ça, j'ai entendu quelques oreilles se lever d'un coup sec. Et c'est sûr. Hein? Voici une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe d'adresse à la chronique dans laquelle on parle de produits de fast-food, de malbouffe, de restaurants à l'international, comme des fois au Canada. Cette fois-ci, on commence avec les États-Unis. Hein? Parce que récemment, je sais pas si t'as entendu parler, je crois que oui, il me semble qu'on en a parlé ensemble, mais le 3 juin dernier, c'était la journée nationale des beignes. Oui, ben oui, on a parlé de ça, mon Dieu. Donc, National Donut Day, pour célébrer, c'était le Inception Donut des gens de chez The Cinnamon Snail à New York. Oh my God. C'est un beigne avec des beignes sur le dessus, avec des petits beignes sur le dessus. Ceux du milieu ressemblent à des biscuits et ceux d'en haut ressemblent à des Cheerios, ce genre en termes de grandeur. Tellement. Ouais, donc ça coûte 7$ chaque, disponible à partir de 11h du matin. Je suis temps pour faire un très bon dîner santé chez The Cinnamon Snail. J'en veux tellement, une douzaine. Ben, mm-hmm. Est-ce qu'on dit une douzaine ou dans le fond, 1, 2, 3, 4? Non, je sais pas, hein. Voilà. Ça pourrait être beaucoup. Hein? Vraiment. S'il y en a 3 sur chaque et 3 sur chaque, fois 12, ça fait beaucoup trop d'affaires. J'ai même pas le temps de calculer ça mentalement. Ensuite, ça c'est vraiment du génie, je crois. C'est des moules pour faire des cuillères en chocolat. Ah, ok. Une excellente idée pour après ça pouvoir peut-être manger de la crème glacée ou des fruits. Tremper dans un café. Peut-être tremper dans un café. Donc c'est sur Amazon, ça s'appelle WBSEOS, qui vend donc des moules de cuillères en chocolat pour 7$. On peut les remplir de chocolat et ensuite les mettre dans le congélateur pour les durcir. Et une fois que c'est fait, on les sort parce que les moules sont faits en silicone, donc on pousse et ça sort facilement et ça donne des cuillères de chocolat. Je pense pas qu'on puisse faire mieux que ça. Ou simplement manger comme ça. Ben oui, dans un Baileys, comme sa photo. Oh mon Dieu, dans un Baileys. Oh, miam, miam, miam. Tellement bon. Et on dirait en plus qu'elles sont faites en bois, tellement le chocolat qui a été utilisé est de qualité. Non, il n'y a que des avantages à faire ça. Ensuite, ça, c'est une autre bonne idée pour les fanatiques de pizza. Moi, on va commencer. Est-ce que toi, tu manges ta croûte sur ta pizza? Oui. Moi aussi. Je pense même que c'est probablement ma partie préférée. J'aime me gâter à la fin en mangeant ma croûte avec du beurre. Mais ça dépend si je prends croûte mince ou pas croûte mince. C'est vrai, ou croûte farcie. Là, ah, t'en manges non, en premier. C'est rare que je mange croûte farcie. Croûte farcie avec plusieurs fromages, là, c'est quand même pas mal bon. Ouais. Je suis moins du style manger pizza. C'est plus pizza qui font ça, croûte farcie. Oui, vraiment, c'est à essayer, je trouve. Récemment, ils ont vraiment changé, pizza. Bref, ils nous enverront l'argent au 3351 Boulevard des Forges. Trois gars. Parce qu'on les a mentionnés en ondes. Hein? Oui. Donc ici, c'est de la pizza avec... en fait, c'est des points de pizza avec de la croûte chaque côté. Ou encore, c'est des pizzas bambino, mais en forme de triangle. Vous y allez comme ça vous tente, mais ça ressemble probablement à une pizza bambino effouérée sur le côté. Bref, c'est ça. C'est simple. C'est chez Vinny's Pizzeria à Brooklyn. Vinny's qui a déjà inventé d'autres pizzas. On a déjà eu la pizza avec la pizza sur le dessus. Pareil comme le bain qu'on vient de faire. Oui. Ainsi que la pizza en boîte de pizza. Dont oui, on a parlé oui, il y en a eu semaines. Ça, oui. Absolument. Donc ici, c'est vraiment une pizza avec des croûtes de chaque côté. Je pense que c'est révolutionnaire. C'est comme une calzone, mais pas fermée. C'est plein de choses en même temps. Une bambino triangulaire, une calzone pas fermée ou une pizza avec des croûtes de chaque côté. Et voilà. Comme ça vous tente. Ensuite, c'est de la bière. Oui. à thématique Mortal Kombat. Oh, OK. Les jeux vidéo de combat, bien sûr. Mm-hmm. Donc, Warner Brothers, Global Beverage Traders et Sound Brewery se sont récemment fait un petit partenariat pour créer une série de bières inspirées par Mortal Kombat 10. Donc, c'est une série limitée avec une bière Scorpion faite avec des grains de vanille. Pas des grains, hein. Vanille, c'est quoi? Des gousses de vanille. Des gousses de vanille, ouais. Des piments chili aussi. Mm-hmm. T'as aussi la Raiden Imperial Saison? Imperial Saison, je crois. Qui vous donne un petit blast électrifiant de houblon et de CO2. Et t'as la Imperial IPA de Sub-Zero, qui est un mélange de malt et de houblon. C'est présentement disponible en bouteille de 22 onces. Voilà, et ça dit, évidemment, l'article finit en disant « Finish it », comme dans « Finish him » dans le jeu, parce que c'est drôle. Ensuite, Burger King nous amène un rafraîchisseur d'air ou un parfum sans bon, hein, à odeur de Whopper. Ah, rien de moins. Un peu comme les ongles saveurs de PFK il y a quelques semaines. Là, on va sûrement en parler à l'émission de Marina Orsini. C'est avec ça, des... après nous. Mais non, c'est pas vrai. C'est tellement drôle. Ben non. On voit que Mathieu aime beaucoup l'émission. De Marina Orsini, hein? Ça paraît-tu? Ouais. C'est tellement drôle, j'ai planté. Donc, un parfum à odeur de Whopper, oui. Impressionnant comme publicité quand même. C'est Burger King au Brésil qui nous amène ça. Ça va remplir votre voiture d'un bouquet irrésistible d'odeur. Produit qui a été testé par des chauffeurs de taxi et apparemment ça a aidé les gens, ça a attiré les gens vers le taxi, tu sais. OK. C'est peut-être que ce taxi payant avait un parfum d'argent. Aha, tu sais, comme les 20 piastres qui sentent l'érable. S'il y avait ça dans le taxi payant, ça attirait des gens. Ça serait, ouais. On va retourner en arrière dans le passé. Savais-tu qu'à l'époque, il existait des Kellogg's Frosted Flakes aux bananes? Pour vrai? Des Banana Frosted Flakes! Ça existait dans le temps, apparemment. Donc, c'était entre... Pourquoi ils les ont bannis? Je sais pas. Oh. Ils sont juste débarrassés. Donc, c'était une céréale des années 80. Donc, Frosted Flakes à saveur de banane. Mais non seulement ça, il y avait en plus des copeaux de bananes sèches dans les boîtes. Ah, ouais. Donc, t'avais vraiment des copeaux de. Un peu comme les Special K en ce moment, avec des morceaux de fraises ou de framboises, desséchés. C'est quoi le terme pour enlever l'eau dedans? Déshydraté. Donc, des bananes déshydratées. Voilà. Ça dit sur la boîte. Un peu comme les cubes qu'on a essayé la semaine dernière. Oui, exactement. J'ai entendu parler de cette chronique-là, puis les gens étaient intrigués par le produit. C'était les Barnana. Oui. Les Barnana. Barnana. Je les ai trouvés sur Facebook. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Je fais des liens vers les produits directs. Donc, ça vous intéresse. Mm-hmm. Donc, la boîte dit saveur. Non. Natural Banana Flavored Sugar Frosted Flakes of Corn. Donc, des flocons de maïs sucrés à saveur naturelle de banane. Mm-hmm. Alors que d'autres boîtes de spécial de Banana Frosted Flakes, je sais pas si c'était avant ou après, disaient Frosted Flakes of Corn with Banana. Donc, flocons de maïs sucrés avec banane. Mm-hmm. Ça dépend de la boîte. Ensuite, c'est une machine qui va vous qui va nourrir votre chien ou votre, okay. Ouais, votre animal de compagnie. Donc, est-ce que vous aimeriez donner plus d'attention à votre animal de compagnie et, dans le fond, les nourrir et les... je crois que c'est les voir en même temps, est-ce que c'est ça? Donc, c'est une machine qui a été construite par James Cochrane qui appelle the World's First IoT Robot People and Pet Affectionator. Donc, c'est la première machine Internet of Things, donc l'Internet des objets, pour les gens et pour les animaux de compagnie. Donc, comme il explique sur YouTube, l'idée pour l'invention est arrivée quand il commençait à gratter son chien T-Bone. Oui. Donc, en appuyant sur un bouton, la machine peut va prendre son bras robotisé et va doucement flatter votre animal ou lui donner des petites tapes et va lui donner une poignée de petites gâteries. Mm-hmm. Gâteries. Et puis, ça fonctionne avec les humains aussi. Ben oui. Ben oui. Pourquoi pas? Un petit peu de goldfish. C'est pour avoir une belle relation. Ben oui. Avec ton chien. Tu sais, faut l'accepter, les robots vont le remplacer un jour. Oui, c'est ça. Ensuite, on continue avec une cuisine transparente qui met toute votre nourriture à l'avant-plan. Ouh, on peut ça, pas, j'aime ça. Vraiment. On parlait de la mode du transparent tout à l'heure. Voilà, ça revient. Vraiment, là, on a parlé de haut-parleur transparent tantôt. Oui. Qu'est-ce que t'as parlé? T'avais dit... Les sacoches transparentes, les sandales transparentes. Sac à dos. Oui. Bref, c'est ça. On pourra plus cacher nos dégâts. Hein. C'est aux Pays-Bas. Une firme d'architecture MVRDV et un concept de cuisine qu'ils ont montré sur Internet, bien sûr. Donc, chaque partie de la cuisine cuisine des tablettes au réfrigérateur, tout est transparent. C'est un design pour un événement à la Biennale de Venise, un des plus grands, des plus grandes foires d'architecture dans le monde. Infinity Kitchen, c'est le nom, ça montre la nourriture comme j'aimais auparavant. Il y a des robinets transparents, un four transparent, des armoires transparentes, garde-manger, oui, porte-ustensiles et même des verres transparents, comme les verres sont souvent pas mal tout le temps transparents. Tout le temps transparent, oui, c'est voilà. ça. Voilà, donc il y a de la vaisselle transparente aussi. La femme d'architecture, évidemment, est en amour avec les designs originaux. Ils ont créé des façades de vitres pour une bâtisse à bureau à Hong Kong. Le cofondateur de MVRDV, Winy Mas, on dirait de l'espagnol pour plus de vin, ouais, hein? Winy Mas, a décrit ça comme étant... imaginez si non seulement nos cuisines étaient transparentes, mais les murs étaient transparents chez nos voisins. Tout le monde pourrait créer une perspective infinie dans nos villes. Ça ferait que les environnements ne seraient plus claustrophobes. Donc, peut-être que c'est une idée. Pourquoi pas? Mais ça commence par une cuisine. Ensuite, les barres Snickers, les barres de chocolat Snickers vont changer de prix dépendant de votre humeur. Hein? Donc, c'est leur campagne You're Not You When You're Hungry. Donc, t'es pas toi quand t'as faim, là, comme on dit dans les pubs. Oui, oui, oui. Donc, c'est Snickers en Australie qui fournit maintenant une nouvelle manière de faire des barres de chocolat plus accessibles lorsque t'en as besoin, quand t'es fâché. Selon Adage, le nouveau logiciel, le nouveau. La nouvelle fonctionnalité Hunger Rhythm va réussir à comprendre les mots-clés dans des posts en ligne, que ce soit sur Twitter, Facebook, pour mesurer l'humeur collective des médias sociaux à un moment donné. Donc, si l'Internet est de mauvaise humeur à cause d'une mauvaise nouvelle, je pense que cette semaine, ça pourrait être une bonne semaine. Parce que maudit que tout va mal cette semaine, pas pour moi, mais pour le monde. Je pense avec le nombre de fusillades qu'on a eues et tout ça. Ouais. Donc, la compagnie va offrir des barres Snickers à des prix plus bas. Par rapport au niveau de malheur que les gens vivent. Donc, le prix va fluctuer et ça va passer de aussi bas que 50 cents et à aussi haut que 1$. Donc, ça va varier entre 50 cents et 1$. Et les rabais vont être des coupons à imprimer et à les présenter dans 600 dépanneurs 7-Eleven en Australie. Pour l'instant, c'est seulement en Australie, mais la compagnie s'attend à ce que l'idée aille aux États-Unis et dans d'autres pays. Un jour, ça pourrait aussi être des applications que tu viens montrer au dépanneur, tu sais, les scans, ça, un peu, tu sais... Oui. Comme dans les épiceries, je crois. Et finalement, on peut changer n'importe quel liquide en sphère de caviar. Tu sais, caviar, c'est quoi? C'est des œufs de... Poisson. C'est ça. Donc, on a parlé d'un Kickstarter il y a quelques mois qui changeait n'importe quelle nourriture en un bol de billes. Et bien, apparemment, on peut créer ça. On peut créer des boules de caviar à la maison. Tout ce qu'il nous faut, c'est trois ingrédients et quelques équipements de cuisine assez basic. Donc, c'est sur Instructables, Holly Mann qui détaille le petit didacticiel pour nous faire orbifier n'importe quel liquide. Un peu comme les orbs. J'ai acheté des orbs à mes nièces. À un moment donné, c'est comme des petits trucs que tu mets dans l'eau. Mm-hmm. Ça fait des bulles de glu un peu. Oui. C'est bien populaire sur Internet. Hein? Bref. Donc, c'est le même principe. Tu as besoin de gélatine qui est du agar-agar. Une sorte d'huile. Ensuite, et le liquide de votre choix. Tu peux utiliser vraiment n'importe quel liquide comestible. On recommande d'utiliser des jus minces parce que des liquides plus épais auraient moins de probabilité de coller à la forme sphérique parfaite. Donc la première étape est de remplir un grand verre d'huile végétale et de mettre ça au congélateur. Pendant que ça refroidit, tu vas fouetter le jus et l'agar-agar dans un poêlon jusqu'à temps que le tout bouille. Mm-hmm. Une fois que l'huile végétale est froide, tu vas prendre un compte-goutte. Oui. Une pipette. Oui. Une petite pipette. Une pipette ou une seringue et squeezer, faire sortir des globules dans le mélange chaud. Non, du mélange chaud dans le mélange froid. Oui, oui, oui, exact. Voilà. Ça va créer des petites billes et elles vont tomber au fond du verre. Et ensuite, tu as juste à passer ça au tamis ou peu importe. Et voilà, tu es maintenant rendu gastronome moléculaire, nous dit mentalfloss.com. On peut voir les instructions détaillées sur l'article. Il faut évidemment faire un petit peu d'essai-erreur avant de l'avoir. Et si ça fonctionne pas, vous pouvez toujours acheter une machine qui fait du caviar. Ça s'appelle un caviar maker. Okay, pour caviardiser votre alimentation, voilà. C'est pour le premier bloc. On va prendre une petite pause musicale pour l'entendre. Une pièce de Bermude sur le palmarès francophone. On revient tantôt avec plus d'une grosse pointe en dresse. Voici Cinémascope. Bermude et la pièce Cinémascope à Assemblage Requis. On est dû pour une deuxième partie d'une grosse pointe à l'adresse, donc retournons-y en pleine chronique comme ça. Allons en France. Tania, un petit voyage. Oui, un petit voyage comme ça. Un voyage pour aller boire du vin. C'est le plus récent musée en France qui est dévoué au vin. Oh mon Dieu. Oui, poussé par le vin. Je vais y aller. Comment on dit? C'est pas normal. C'est ça. C'est apparemment en France, on pensait tous qu'il y avait déjà des musées en France qui avaient rapport au vin. Je pense que tout le monde pensait qu'il y avait ça, mais non, apparemment que non. Donc, c'est un musée dédié au vin de Bordeaux. La Cité du vin va ouvrir ou commence à ouvrir là en conjonction avec le 10e Festival du vin de Bordeaux, festival annuel. Ça a coûté 92,4 millions de dollars. Il y a un extérieur élégant qui ressemble à un truc pour décanter le vin, apparemment. Mm-hmm. À l'intérieur, les visiteurs peuvent suivre une visite guidée dans 20 places thématiques qui explorent l'histoire et l'impact du vin. Ensuite, ça culmine. À la fin, tu as une vue 360 degrés de la ville avec un chandelier fabriqué à partir de milliers de bouteilles de vin. Le projet a été conçu en 2009 pour capitaliser sur l'intérêt touristique que les gens avaient envers le vin. Environ 5 millions de visiteurs sont arrivés à Bordeaux en 2014 et l'an prochain, un nouveau service de train à haute vitesse va voyager jusqu'à la ville à partir de Paris en moins de 2 heures. Le site va aussi avoir des ateliers, des événements, dont un qui va mettre en paire différents vins avec du multimédia approché sur un mur pour réveiller vos sens. Ça dit même que si vous avez des enfants, ils peuvent gargariser du jus de raisin. Oh, c'est mignon. C'est bien les inclure quand même. Ben oui, tout à fait. Mm-hmm. Ensuite, on va à San Francisco après la France. Donc, une compagnie de San Francisco qui fabrique du vin sans raisin. On vient juste de parler de vin et de raisin. Comment est-ce que tu peux faire du vin sans raisin? Ben, c'est ce que je me demandais aussi. Donc, le vin existe depuis environ 9000 ans et 895 millions de gallons ont été vendus en 2014 seulement aux États-Unis. On pourrait dire donc que ça fonctionne quand même bien, le vin. Martin Chua et Alec Lee Begg... Bob Begg. Ça, c'est le reste de la phrase. Martin Chua et Alec Lee. Voilà. L'an dernier, selon Smithsonian, la paire goûtait à du vin dans la Napa Valley, alors qu'une bouteille de Château Montelena Chardonnay leur a fait penser que ce serait bien de copier un peu la saveur de ce vin-là, mais à une fraction du prix. Hein? Okay. C'est ce qu'ils ont essayé de faire en démarrant leur vignier, peu importe, Ava Winery. Donc, leur processus, c'est qu'on enlève les raisins complètement. On utilise un mélange d'aminoacides, d'acide, de sucre, d'organique, de trucs organiques biologiques volatiles et de l'éthanol pour simuler la fermentation et le processus de vieillissement du vin. Donc, Chua a écrit sur Medium.com que si vous êtes intéressé à plonger dans la méthodologie, on essaie de changer de l'eau en vin, si on veut, en combinant différentes choses chimiques pour créer une bouteille presque comme la tradition le voudrait. Évidemment, c'est ce qu'ils disent. On peut acheter leur copie du Dom Prignon, le champagne de 1992, pour environ 50$ au lieu de 150$, c'est le tiers du prix. Le nouveau vin synthétique, apparemment, va encore avoir un bon bout de chemin à faire avant d'être convaincant pour les professionnels du vin. Ouais. Donc, New Scientist a fait un test à l'aveugle. On a utilisé les mots alcool à friction. OK. On a utilisé le mot sac de plastique pour décrire le vin. Y a un testeur qui dit que ça goûte meilleur que ça sent, mais rendu là, c'est pas nécessairement un gros compliment. Ouais, non, c'est ça. Donc, le temps va pouvoir nous dire si ils vont améliorer leur formule. On va voir ça. Peut-être. Le pire, c'est que je me demandais justement si le goût était pareil, mais Non, ni l'odeur. Non, c'est ça. Hein? Il va y avoir de la Budweiser sans alcool au Canada. Ouh, pour vrai? Oui, Anheuser-Busch InBev vient de lancer au pays du Canada la Prohibition Brew, une version non alcoolisée de la bière Budweiser. Le Canada va servir en tant que marché test pour la Prohibition Brew. Donc, Anheuser-Busch InBev explique que la grande quantité culturelle canadienne et le nombre élevé de régulations l'incitent à utiliser le pays comme premier lieu de commercialisation. Bien que plusieurs produits non alcoolisés soient déjà en vente au Canada, la Prohibition Brew devient la première bière sans alcool commercialisée au pays sous la marque Budweiser. Labatt, propriété de Anheuser-Busch InBev, brasse la Budweiser ici depuis 1980. Selon la firme de recherche Nielsen et Statistique Canada, les boissons sans alcool ou avec un faible degré d'alcool représentent un marché de 53,4 millions de dollars au Canada, comparativement à 9 milliards pour celui de la bière normale. Le lancement de la Prohibition Brew s'accompagnera dès la mi-juin d'une campagne mettant l'accent sur le fait que le goût de sa nouvelle bière est identique à celui de la Budweiser. On dit la même chose pour le Coke Zero, on dit la même chose pour tout ce qui est léger. J'ai toujours vu une différence, j'ai jamais même vu un produit similaire. Ouais. Autre peut-être que la Dr. Pepper Diet qui est quand même similaire. Mais non, en tant que tel, ça fonctionne jamais avec moi, le Diet. Il y a toujours un arrière-goût de quelque chose. Donc, je serais intrigué de voir ça, surtout pour les femmes enceintes, entre autres, qui pourraient boire de la Budweiser non alcoolisée. Apparemment, qu'elle est déjà arrivée, il y en avait dans un combat de boxe au Colisée il y a quelques temps. Eh ben! Ouais. Intéressant, Caroline. Good! Tant mieux, ben ça commence déjà. Une bonne nouvelle. Ça commence, c'est ça? Une bonne nouvelle. Ensuite, un algorithme, non, on l'a-tu déjà fait celui-là? Non, on l'a pas. Oui. Oui, on l'a fait. Continuons avec les chercheurs qui ont réussi à trouver une façon de faire du maïs, du blé. Oui. Maïs. Bédin. Oui. Avec 50% plus de grains. Ah, ben voyons non. Ouais. Donc le maïs, c'est un des légumes les plus versatiles. C'est vrai. Qui pousse aux États-Unis, en Amérique du Nord. Donc selon Modern Farmer, on nous dit que les chercheurs ont trouvé une façon de rendre ça encore plus utile en faisant pousser du maïs qui a 50% plus de grains que l'épi moyen. Donc dans leur étude qui a été publiée récemment dans le journal Nature Genetics, les chercheurs ont expliqué qu'ils ont utilisé une mutation génétique existante pour cultiver donc des épis de blé d'Inde avec deux fois plus de grains. Et ils ont découvert ça, ils ont découvert que le maïs qui manque de gène FEA3 faisait le plus petit plant avec des rangées un peu n'importe comment, un peu croches. Étant donné que le gène FEA3 dit, dans le fond, va vraiment... ça affecte la production des cellules, quelque chose comme ça. Bref, ils ont pu manipuler ça okay. pour faire pousser des épis qui avaient plus de grains. Je suis pas trop connaisseur de ça, scientifiquement parlant. Mais ils doublent aussi en grosseur, là, je veux dire... Ouais, bon, on le voit sur la photo, là, ils sont vraiment... C'est comme... comme ça a pas l'air comme super bon. Ça a vraiment pas l'air bon, mais j'imagine que pour faire du maïs en canne, ça pourrait être vraiment bien. C'est vrai. Ça pourrait être très bien. Donc c'est ça, c'est une mutation qu'on a utilisée, on a tiré profit de ça. Les scientifiques disent qu'ils pourraient le tweaker encore plus pour en ajouter encore plus en plus sans tuer l'épi de maïs. Donc ils vont venir affaiblir les allèles ou des variantes du gène. Ils ont réussi à produire ça. Une découverte qui pourrait avoir un grand impact sur l'industrie du maïs qui est responsable de plus de 90 millions d'acres aux États-Unis. Les chercheurs disent aussi qu'un nouveau type de maïs pourrait ne pas produire autant en ferme que dans le laboratoire. Peut-être que dans le laboratoire, c'est pas pareil comme dans le vrai monde de la ferme, mais quand même, au moins, s'il y en avait déjà un petit peu plus, c'est peut-être pas nécessairement 50% dès le départ, ça pourrait être déjà un bon pas par en avant pour eux. On reste dans le monde du maïs avec du blé d'Inde, oui, arc-en-ciel. Donc, c'est le Glass Gem Corn qui ressemble à des bonbons. OK. C'est une variété de maïs avec différents grains de différentes couleurs. On dit que on peut acheter un paquet de 50 des grains pour pouvoir les planter et faire pousser vous-même vos propres maïs. C'est sur nativeseeds.org. Ça pousse vraiment comme ça pousse en arc-en-ciel. Ça a tellement pas l'air genre véridique. Absolument pas. Moi, au début, je pensais que c'était une structure ou une sculpture que quelqu'un Oui, vraiment. On dirait que quelqu'un les a peinturés un après un. Ouais. Mais non, c'est en effet un vrai blé d'Inde. Donc, allez voir ça si vous voulez vous acheter des grains vous-même. Graines. Qu'est-ce qui se passe vraiment si tu avales une gomme? Ah, oh, mon Dieu! Oui. Les en gens, il y a toujours des rumeurs. Tu sais, des fois, on dit, bon, tu vas manger une gomme, ça va aller dans ton ventre, puis ça va rester pendant plusieurs années. Donc, comme plusieurs processus physiologiques, c'est quand même compliqué. On peut le voir dans une petite photo de l'American Chemical Society. C'est quand même fascinant, la gomme. On mangeait comme la nourriture, mais il y a plus de sucre et il y a plus de saveur. Donc, dans le fond, on mangeait comme la nourriture et ça goûte les bonbons. Mais en fin du compte, c'est comme une gélatine. Pas une gélatine, c'est comme une comment on appelle ça? Ça va dire dans l'article, je vais à la place de chercher le mot, je vais dire en lisant l'article. Donc, c'est pas de la nourriture, c'est ça, c'est pas de la nourriture, c'est de la gomme. OK. Donc, la première fois qu'on a fait de la gomme, c'était fait avec du... est-ce que c'est du... goudron? Non. Goudron naturel collant, qu'on appelle. Ensuite, on est passé à de la sève d'arbre. OK. L'arbre du caoutchouc. Et aujourd'hui, la plupart des gommes sont faites de caoutchouc synthétique, voilà. Mais tous ces ingrédients-là, qu'ils soient naturels ou synthétiques, ont quelque chose en commun, c'est qu'on ne peut pas les digérer. Donc, nos corps ne fabriquent rien de chimique dans notre corps qui est capable de défaire ces polymères-là de la gomme. On se comprend là-dedans? Ouais. Donc, on peut pas la digérer. Mais ça veut pas dire que ça reste dans notre corps pendant plusieurs années, comme les grands-parents oui, disent des fois. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas ça. Donc, un peu comme d'autres affaires que vous pourriez avaler, des objets qu'il faudrait pas avaler, c'est poussé quand même par votre conduit digestif. Votre corps va défaire tout ce qu'il peut et va prendre les nutriments qu'il peut prendre. Et ce qui reste, dont la gomme, va typiquement juste être renvoyé dans les toilettes plus tard. Okay. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est sécuritaire de manger de la gomme et de l'avaler? Non. Non. Ben, en fait, oui et non. Donc, accidentellement avaler un morceau de gomme ne fera pas de mal à votre corps, mais avaler chacune de vos gommes ouais. va pouvoir faire un blocage dans votre conduit digestif. Ah, pas vrai? Particulièrement chez les petits conduits des enfants, parce que les enfants sont plus petits. Ils ont plus de chances d'avaler leur gomme aussi, ce qui peut mener à de la constipation douloureuse. Des fois, ça va même demander l'aide d'un docteur. Et il y a une étude qui a décrit comment on enlevait le blocage de gomme chez un enfant, que c'était comme tiré sur du taffy. C'est comme le, comme la barre de chocolat... comment t'appelles ça? Au nougat, hein? Non, qui est comme du caramel oui, tiré. Oui, oui, oui. Voyons, c'est quoi le pays? Irlandais, c'est ça? Ouais, je pense que oui. En tout cas, du taffy, mais quand c'est tu tires carotté, dessus. Là, ouais, ouais, c'est ça. Quand tu tires, c'est vraiment comme du caramel, oui. Ça finit jamais. Ou comme du fromage sur une pizza, c'est comme tu tires, uh-huh. Ça ne fait jamais. Je pense que la pizza, t'es pas un bon exemple parce qu'il finit toujours par. Oui. Ça va faire. Mais du caramel, bon. Voilà, donc c'est ce que ça fait quand tu tires sur une gomme du corps de quelqu'un. Ah, bon, ben je vais arrêter d'avaler ma gomme. Tu fais ça de façon routinière? De façon assez fréquente, oui. Faut pas, tu vas avoir un blocage un jour. Le déjeuner, tu vas me trouver bizarre de dire ça, là, mais le déjeuner gagne en popularité aux États-Unis. Ah oui, je trouve aucunement bizarre, non? Mathieu, le savais. Est-ce que c'est parce que les McDonald's font des déjeuners à longueur de journée aux États-Unis? Non, je suis persuadée que c'est à cause des médias sociaux. Ah. Et des gens qui postent leur déjeuner partout. Ça se peut très, très bien. Donc, c'est le groupe de recherche NPD Group qui nous dit que plus d'Américains commencent à manger un déjeuner qu'avant. Donc, selon Eater, le taux de déjeuner et de collation matinale devrait augmenter plus que l'augmentation de la population du pays pendant les prochaines années. Ah, pardon. Pendant que... c'est vraiment un rhume, vraiment oui, comme vraiment, dégueulasse. Hein? C'est dégueulasse. Pendant que la population américaine, on estime qu'elle va augmenter de 4% entre maintenant et 2019, NPD projette que la consommation de déjeuner aux États-Unis va elle augmenter de 5% dans la même durée. Ça fait partie d'une ligne directrice, une ligne ascendante, une pente ascendante depuis les deux dernières décennies. Donc en 1997, la personne moyenne aux États-Unis mangeait 344 déjeuners par année. En 2015, c'était monté à 361 déjeuner par année. Donc c'est grâce, en partie grâce aux restaurants de fast-food, comme je disais tantôt. J'avais avancé cette théorie-là sans savoir, sans avoir lu l'article, parce que c'est vrai que je lis jamais mes articles. c'est ça. C'est une blague. Donc le mais temps c'est pour vrai. Moi, je sais. C'est une blague, mais basée sur la réalité. Ça dépend. Il y a des semaines où je suis plus occupé que d'autres. Cette semaine, je déménage, donc j'ai pas lu mes articles. Correct. Donc le temps pour déjeuner a augmenté de 5% depuis la dernière année, et c'est en plus de 3% d'augmentation l'année précédente. En 2014, les déjeuners de fast-food ont ramassé 34,5 milliards de dollars en vente selon le Los Angeles Times. 34,5 milliards, pas millions, milliards. Donc même si les Américains adorent manger avec un tacos déjeuner, taco au singulier, ou encore des œufs McMuffin, le fast-food, c'est quand même une petite portion des déjeuners qu'on mange. Le repas le plus important de la journée est consommé à la maison, 70% du temps, versus le reste pour les, j'imagine, sur la route. Mm-hmm. Non, on l'a déjà fait ça là. Les étiquettes de nutrition vont enfin être mises à jour pour la première fois en 20 ans. Un article qui commence à dater, mais je trouvais ça intéressant d'en parler quand même. Évidemment, les étiquettes de nutrition sont pas mal pareilles au Canada qu'aux États-Unis. J'imagine parce que c'est plus facile pour tout le monde de s'accommoder puis faire une seule étiquette, juste à mettre en français à côté. Mais donc, on va augmenter. Je vais te dire en gros qu'est-ce qu'on va changer. Okay? Donc, on commence par les portions. Ça va être écrit en plus gros et en plus gras. Okay? D'accord. Donc, par exemple, 8 portions par contenant et 2 tiers de tasse, 55 grammes, ça va être écrit en quand même assez gros. On a changé les portions aussi, on les écrit plus convivialement. Donc, on va l'écrire en 2 tiers de tasse ainsi qu'en 55 mg. Donc, tu vois, les portions en tasse et en grammes, c'est deux langages différents. Ils vont les deux être écrits. Les calories vont être écrites en gigantesque caractère super gras. Donc, ici, on voit 230 calories par portion. On a mis à jour les valeurs proportionnelles de la journée. Avant, apparemment, ça n'avait pas été changé depuis un bout sur certaines nourritures. On va maintenant ajouter les sucres. Donc, tu as le sucre total, mettons 12 grammes, et en dessous, sur une ligne qui va être encochée, un petit peu alinéasée, vers la droite, ça va être marqué « inclus 10 grammes de sucre ajouté ». Et là, ça va être marqué 20% de la valeur quotidienne. On va dire les montants déclarés actuels. Donc vraiment, on va être le plus précis possible sur ce qu'il y a dans les produits. Et on a une nouvelle note en bas de l'étiquette qui va dire bon, que la valeur. Le texte a changé, là, je me rappelle pas c'est quoi en français, mais je vais vous le dire en anglais. Donc le pourcentage de la valeur quotidienne vous dit comment chaque nutriment est dans une portion de nourriture qui contribue à votre diète quotidienne, donc votre régime, votre alimentation. 2000 calories par jour est utilisé comme conseil nutritif en général pour un humain de bon classique, normalement constitué d'une grandeur proportionnelle à son poids. Bref, donc c'est ce qu'il y a de nouveau là-dedans. On peut voir l'avant et après. Vous allez voir que le avant est pas mal pareil comme ce qu'on a au Canada. Là. et que du côté du nouveau, c'est non seulement ils ont changé quelques petits détails, ils ont changé la note en bas et le reste est écrit plus gros. En gros, c'est pas vraiment un énorme changement, mais ça nous dit que ça avait pas été changé depuis un bon bout de temps. Je me rappelle qu'il y avait quelque chose dans l'article. Tiens, les... Oui, ah, c'est... Donc, le... Oui, c'est des règles qui ont été implantées dans les années 90, ont été mises à jour maintenant. Donc, pour la première fois, je crois, depuis les années 90, les vitamines A et vitamines C ont été retirées parce qu'il n'y a plus autant de carences de nos jours dans les vitamines A et vitamines C. Maintenant, c'est les vitamines D et le potassium qui sont importants. Donc, c'est ce qu'on amène dorénavant. Ah. La vitamine D et le potassium au lieu de la vitamine A et de la vitamine C. Les collations et les boissons qui viennent dans de petits emballages n'auront pas besoin de tromper les clients en faisant des portions pas d'allure. Là, OK, ouais. Des fois, il y avait des portions pas d'allure. Là. Et s'ils le font, les informations nutritionnelles pour le sac au complet ou la bouteille de liqueur, etc., doit aussi être incluse. Donc, il n'y aura pas de... Bon, ta bouteille de liqueur toute petite vaut deux portions ou trois portions, il n'y aura plus de ça. OK. Fait que ça, c'est évidemment aux États-Unis. Au Canada, j'imagine qu'on va se prendre quelques années avant de s'accommoder à oui, ça. Oui, évidemment. Comme toujours. Donc, selon un sondage de 2012 de l'International Food Information Council Foundation, 66% des consommateurs regardaient l'étiquette nutritive avant d'acheter de la nourriture. On peut s'attendre à ce que les manufacturiers, les fabricants de nourriture commencent à faire le changement tout de suite, mais la deadline, la date limite, n'est pas avant le 26 juillet 2018 pour que tous les emballages aient le nouveau standard. Voilà. Colin, je pense qu'on s'est rendu à notre prochaine pause. Ben, je pense que oui. Absolument. On va entendre une autre pièce du palmarès. De quel côté allons-nous aller? Je pense qu'on va choisir une pièce qu'on fait jouer un petit peu moins souvent. Tiens. On va aller avec une petite pièce de... on n'a pas joué Plants and Animals depuis un petit bout. Non, c'est vrai. Quelle pièce? No Worries Gonna Find Us. Ben voilà, pas de stress. Pas de stress, bro. Des assemblages requis pour encore une petite demi-heure. C'était Plants and Animals avec No Worries Gonna Find Us à Assemblage Requis. Il nous reste une dernière portion d'émission, une petite vingtaine de minutes. Mm-hmm. Et on va faire encore d'autres nouvelles de fast-food dans une grosse pointe à l'adresse. Fait que restez là! Puis passez dans la porte, nous faire un petit genre good job, ah, comme ouais, nous hein? tantôt. Comme ouais. monsieur tout à l'heure. Continuez de même. Prenez, soyez inspirés par cet homme. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Assemblage de billes. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. On est là pour la semaine du 13 juin 2016. Elle est Tania Baudet. Et Mathieu Blanc. Mm-hmm. On était dans une grosse pointe à l'adresse tantôt, mais pour ceux qui ne s'en rappellent pas, revoici l'intro. Une grosse pointe à l'adresse. Une grosse pointe à l'adresse. Une grosse pointe à l'adresse. Une grosse pointe à l'adresse. Une grosse pointe à l'adresse. Une grosse pointe à l'adresse. C'est une grosse bonne adresse, on parle de fast-food, on parle de malbouffe, on va dans les restaurants un petit peu partout dans le monde pour parler de cuisine malsaine. Commençons par un artiste qui crée, oui, des illustrations inspirées par, justement, la malbouffe, le snack food, les collations, les trucs comme ça. Pourquoi pas? Donc, c'est un artiste, oui, de la Malaisie, Nadi Nadira, qui est doodle addict, donc elle est accro à faire des petits dessins, c'est des marges des fois, mm-hmm. là, dans l'agenda ou sur du papier pendant que t'es au téléphone, t'sais. Donc, elle passe sa collation en étant très créative avec son petit carnet de papier. Elle fait des illustrations autour de ses biscuits, de ses bonbons, de ses croustilles. Donc, elle fait de l'art avec des références pop culture, un petit peu comme Star Wars, Up de Pixar, là-haut. Et des scènes qu'elle a imaginées elle-même. Il y a même Pac-Man. Même Pac-Man est là. Et elle prend vraiment ses collations qu'elle est en train de manger pendant la journée. J'imagine qu'elle varie le plus possible ses collations. J'espère. Et elle se sert de ses M&M, de n'importe quoi d'autre pour faire ses créations. Elle est sur Instagram. Nadira. Ah oui, t'as raison. Nadira. Exact. C'est donc, Nadira. Cherchez-la. De toute façon, cherchez l'article sur assemblagerequis.com. Sinon, Doodle Addict. Vous allez trouver ça à un moment donné. McDonald's amène, un peu comme Burger King, il y a quelques années, amène des burgers rouges et verts en Chine. Ah. Pour marquer la sortie du film animé Angry Birds. Donc, c'est McDonald's en Chine qui amène deux nouveaux sandwichs basés sur le populaire jeu sur téléphone cellulaire. Le premier est le Angry Red Burger, qui est un sandwich McDouble chicken poulet, oui. Poulet double, avec un pain rouge servi dans une boîte Angry Birds. Oh my god, ça a l'air du Patty Burger là, dans SpongeBob. Ah oui! Donc, une boîte qui a des ailes. Je sais pas si c'est ça. Ah ouais! Le deuxième est peut-être celui qui crée de la confusion chez les gens. Ouais. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui le détestent. C'est le Naughty Green Pork Burger. Donc, c'est inspiré des Bad Piggies dans les jeux. Okay. De Angry Birds, les méchants petits cochons verts. Donc, c'est une boulette de porc. Déjà là, moi, ça commence mal parce que j'aime pas tellement de porc. Servi avec un œuf frit, de la laitue et de la sauce jalapeno entre deux pains verts selon That Magazine. Donc, en plus d'avoir des sandwichs qui ont rapport avec le cinéma, McDonald's en Chine a aussi décoré plusieurs de ses restaurants avec des autocollants Angry Birds, des tapisseries et des cartons là, debout. Et le Dirty Green Pork Burger est... comme quelque chose à aller voir, donc allez voir la photo sur assemblagerequis.com. On a juste vu le sac là-dessus, on ne voit pas la boîte avec des ailes malheureusement sur le. Tu trouves pas que le pain rouge, on dirait quasiment qu'ils ont pris une tomate coupée en deux? C'est vrai, hein? C'est un peu bizarre. On dirait un macaron plus qu'un hamburger. Hmm. Tu sais, les macarons, la petite pâtisserie. C'est vrai. Il y a une usine de crème glacée russe qui discontinue ses barres glacées au chocolat après des allégations de racisme envers Barack Obama. Donc, il y a eu la pression, les accusations de racisme, et vous allez voir pourquoi. Donc, c'est une usine de crème glacée russe qui a décidé d'arrêter la production de ces barres de chocolat, de barres de crème glacée au chocolat, inspirées par le président Obama. Donc, ça s'appelle la Obamka Bar, qui veut dire « petit Obama » en russe. C'était introduit là-bas en Russie. Puis après ça, ben, les gens ont dit que c'était raciste. Selon The Guardian, le design derrière... l'équipe derrière le design, oui. A dit que le que l'emballage était inspiré par le Changachunga. OK. Qui est une île africaine fictive dans une série animée ou un film animé soviétique pour enfants. D'accord? Ah, d'accord. Donc, depuis les dernières années, la relation entre Obama et le président Vladimir Poutine en Russie, plusieurs agences russes et plusieurs compagnies ont été plutôt racistes envers le commandant américain. Et là, il y a plein de détails là-dessus, mais on dit que ouais, c'est pas mal ça. Je vais vous décrire l'emballage. Donc, c'est un petit garçon qui a pas l'air super noir. Là, non. Qui a l'air un petit peu genre brun pâle. Ouais. Avec quelques petites taches de rousseur. Mm-hmm. Mais des grosses oreilles. Et une boule d'oreille d'un côté. Et il y a sa barre glacée dans les mains qui est géante. Moi, je trouve pas du tout que ça a l'air d'un personnage qui était même inspiré d'Obama. Ouais, moi non plus. Ça n'a aucun rapport. Mais la barre est noire, puis ça s'appelle Obamka. Tu sais, mais ça... Hein. On pourrait... tout peut être raciste si tu le regardes d'un certain angle. Oui, le racisme exact. Est dans l'œil de celui qui regarde. Bon. Ensuite, on a une poursuite chez Starbucks. Ah oh non, une oui, autre. Une autre poursuite chez Starbucks parce qu'apparemment, ils mettraient trop de glace dans leur breuvage glacé. Ben oui. Pour les gens qui aiment la caféine, il n'y a rien de plus rafraîchissant que de la glace dans votre café, tu sais. Il n'y a plus de glace dans mon café. Ah, il n'y a plus de glace dans ton café. C'est parce qu'il n'y a pas assez de glace. Je vais poursuivre la chasse galerie parce qu'il n'y a pas assez de glace. Donc, l'équilibre, c'est bien important. Trop de glace, pas assez de café, ça peut faire un café, une boisson faible. Et selon la nouvelle poursuite, les baristas chez Starbucks dérangent l'équilibre en mettant un petit peu trop de glace dans les cafés glacés et ne mettant pas assez de café. Donc, c'est une class action lawsuit contre Starbucks dans, dans la Cour fédérale du nord de l'Illinois, disant que les boissons froides étaient plus qu'à moitié de la glace. Plus que la moitié de glace. Donc, apparemment que Starbucks ne dirait pas le nombre de d'onces liquides correctement sur ses affichages et en promettent plus que ce qu'il y a dans la réalité. Et dans la plainte, le client, l'accusateur, comment on appelle ça, la personne qui poursuit? Le plaignant, voilà. Dit que Starbucks fait de l'argent sur le dos de ses clients, voilà. C'est des milliards de dollars en revenus qui sont ramassés par Starbucks en ne versant pas autant de café qu'il devrait. Donc on a bien sûr quatre grandeurs de drinks, de boissons chez Starbucks. On a Tall, Grande, 20 et 30. Donc Tall, mm-hmm. c'est le petit. Hein. Oui, ben oui. Ah. C'est tellement logique. Tall, Grande, 20 et 30. Donc c'est 12, 16, 24 et 30 onces liquides. Et puis apparemment qu'on n'a pas... On n'a pas tout ça. Le reste de l'article dit juste 3-4 fois la même affaire, donc on va se comprendre là-dessus. Vous pouvez aller voir le reste sur rassemblagerequis.com. Pendant qu'on parle de l'Australie maintenant, il y a des brasseurs australiens qui font de la bière avec de la mousse de nombril. Quoi? Excusez, c'est dégoûtant! Ça l'a pris par surprise, je pense. Mais oui, c'est oui. vrai. Et c'est les employés de l'usine qui se servent de leur propre mousse de nombril. Non, t'es-tu sérieux? C'est basé à Victoria, en Australie. Donc, c'est la Seven Cent Brewery. Trois ingénieurs ont lancé la Belly Button Beer au Great Australasian Beer Spectacular, comme comme dans du fût, Spectacular, à la fin du mois de mai. Probablement la première bière au monde fermentée avec du de la levure capturée de la mousse de nombril. Du brasseur, voilà. Dégoûtant. On écrit sur... Tu boirais ça, toi? Jamais de la vie. On écrit donc sur le blog qu'il va y avoir... qu'il va y avoir un petit peu de 7 cents dans chaque verre. 7 cents étant le brasseur. Donc, ils ont pris des cures oreilles, voilà, pour prendre la mousse de nombril. Ils ont placé les échantillons sur des plaques de agar. Donc, c'est comme des petri dish, c'est comme des trucs qu'on utilise dans les laboratoires, hein, qui sont faits pour faire pousser des micro-organismes. Et lorsque les microbiomes des nombrils étaient correctement cultivés, on pouvait isoler une colonie de levure pour utiliser ça pour fermenter la bière. Ils ont utilisé des contrôles pour s'assurer que tout était aussi stérile et potable que nécessaire. Après avoir échantillonné des échantillons, des batchs de bière faits à partir des trois levures basées sur la mousse de nombril, ils ont choisi celle qui était la plus délicieuse. Et ils ont utilisé ça, cette base-là pour faire une plus grande batch pour la faire goûter au festival. Wow. Ouais. Rien de moins. On dit pas dans l'article lequel des trois fondateurs a eu la meilleure mousse de nombril. En ont fait un melting pot? Peut-être. Donc, la bière elle-même est une Witbier. Je sais pas comment on prononce ça. Je suis pas un grand fan de bière. C'est fait avec un zeste d'orange et de la coriandre. Ah, OK. Et de la mousse de nombril. Et voilà. C'est dégoûtant. C'est ça. Les gars de Seven Cent ont été inspirés par un employé dans l'Oregon chez Rogue qui avait fait de la levure de bière en utilisant des échantillons de sa barbe en 2012. Ça avait fait la nouvelle à ce moment-là. On disait, les goûteurs ont dit que c'était pas terrible et ça a été la bière officielle du No Shave November l'année passée. Voilà. C'est quelque chose. Ah, d'ailleurs, tiens, si vous voulez ne pas utiliser une partie du corps humain, vous pouvez aussi boire de la bière faite avec des testicules de taureau ou de la bière faite à partir d'avoine qui date de 2000 ans. Ah, ben oui. Différents articles pour différents mœurs sur assemblagerequis.com. Écoute. Rien de moins. C'est de toute beauté. Comme dirait Marina. Mais non, c'est même pas vrai. C'est ta préférée, elle, hein? La police. La police accuse... Je me suis bavé tout à l'heure, c'est drôle. Donc, la police accuse un adolescent de crime après avoir mis de la liqueur dans un verre qui était fait pour de l'eau chez McDonald's. Ben là, voyons. Non, mais là, à un moment donné, c'est parce que si tu payes pour une bière, pour une liqueur, et qu'on te donne un verre de liqueur, mets de la liqueur là. Si tu mets un verre d'eau et que tu vas après ça le remplir de liqueur, j'avoue que c'est du vol. Mais de là à appeler la police, tu sais. Mais c'est parce que ton verre, là, en théorie, c'est le même Moses de verre. Non, c'est pas le même verre pour de l'eau. C'est un verre transparent. Pour vrai? Ouais. Ah. C'est le même verre que les jus, je crois. Ah, j'avais jamais vraiment... Mais les jus sont servis derrière le comptoir, il me semble. Plus maintenant. Les jus d'orange et de pomme, pas mal sûr qu'ils sont derrière le comptoir. Ah oui, d'orange et de pomme, oui, OK, je suis d'accord. Fait que la liqueur... Mais quand tu demandes de l'eau, ils disent pas automatiquement bouteille d'eau? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je peut-être suis pas... j'ai pas l'enfant. Employé. Mais je sais pas. Ni on non, vous ni pose la question, mesdames et messieurs. C'est les dernières choses que je suis, c'est employé chez McDo et parent. Donc, pour l'instant. Un garçon de 18 ans, donc un adulte, un homme de 18 ans, a été accusé de vol après que la police l'ait vu mettre de la liqueur dans un verre d'eau dans un McDonald's de Springdale en Arizona. On a obtenu un rapport de la police obtenu par 4029 News. Cody Morris, 18 ans, et deux autres personnes non identifiées sont passées par le service au volant et ont commandé 3 eaux glacées au service au volant. Ensuite, le gérant chez McDonald's a dit à la police que les 3 personnes se sont stationnées, sont entrés dans le restaurant, ils ont dompé l'eau glacée, ils ont rempli leur verre de liqueur. Selon le rapport de la police, le gérant les a confrontés les 3 personnes qui ont donc ils leur ont demandé de complètement jeter les liqueurs, bien sûr. 2 des personnes l'ont fait, mais une non, selon le gérant. Et la police dit que le gérant était... Le géant a été frappé par le véhicule de Morris alors qu'il essayait d'empêcher la personne de quitter. Le gérant a aussi dit à la police qu'il a été... Il a été frappé par le véhicule encore alors qu'il essayait d'enlever les clés du truc pour allumer la voiture. OK, mais là, au pire, voilà. Ben, abandonne rendu là. Ouais, c'est ça, là, tu sais, avant de te faire... Parce qu'à un moment donné, port d'armes aux États-Unis, c'est accepté. Ça veut dire, fait que, tu tente pas le diable par la queue pour de... Pour plate couture. Pour une petite liqueur, là, calme-toi. À un moment donné, il y a des dépanneurs où on dit genre que la personne qui s'occupe du dépanneur qui est derrière le comptoir ne devrait pas faire autre chose que juste donner l'argent au voleur. Parce que c'est trop dangereux pour toi de te faire tirer. Il y a mieux perdre l'argent qu'avoir un mort. Quand tu travailles dans un endroit comme ça, c'est ce qu'ils te disent. C'est ce qu'ils disent, voilà. Maintenant, on reste dans la loi un petit peu avec un avocat qui menace de poursuivre un restaurant pour un bol de soupe de 2,25$. Bon, rien de moins. Donc, ta phrase d'aujourd'hui, rien de moins. De toute beauté. Un avocat menace donc de poursuivre un restaurant du nord du Texas parce qu'il dit que le restaurant ne lui a pas donné sa soupe avec son dîner. Donc l'avocat Dwayne Downing a envoyé une lettre demandant au propriétaire de Our Place Restaurant donc disant que le restaurant lui doit en fait 2,25$ en dommages et 250$ en frais d'avocat. Bon. Downing dit qu'il a commandé un repas qui était sur le menu avec 2 à côté et un bol de soupe. Par contre, Downing dit qu'il n'a pas eu sa soupe parce que le restaurant a manqué de soupe avant sa commande. Tu sais que des fois, t'arrives dans un restaurant, mettons, puis tu demandes une soupe, puis il n'y en a plus, tu fais juste genre prendre autre chose. Hein. Ouais, c'est ça. Mais là, dans le menu, ça incluait la soupe. Mais t'aurais pu demander faire remplacer ma soupe par un à côté de légumes. Ouais, remplace genre, soupe, comme par... pourquoi tu capotes, puis tu demandes 250$ à la place de ta soupe. Sérieux, tu sais. Bref, le propriétaire du restaurant, Benji. Oh, le petit Benji! C'est Benji Arslanovski. Arslanovski. Je pensais que ce soit Arslanovski. Arslanovski. A dit aux chaînes de nouvelles locales qu'il n'avait jamais rien vu du genre. Il a dit que la lettre était ridicule. Arslanovsk a dit aux journalistes que c'est compris que la soupe vient à côté du repas jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, comme on dit dans les concours, là, jusqu'à, mm-hmm. jusqu'à épuisement des stocks. Jusqu'à épuisement des stocks, en plus, c'est écrit. C'est ça. Donc, Arslanovsk dit qu'il a essayé d'expliquer la politique, mais que dernier, il a refusé de l'entendre. Arslanovsk a dit à NBC 5 et qu'il dit que la politique est juste. Donc, ça, c'est le propriétaire du restaurant. Si on a plus de pois verts ou peu importe pour un hot chicken, à un moment donné, c'est normal. Puis tu le remplaces par autre chose ou tu le remplaces pas, puis tu fais avec. Hein? Tu fais avec? Soupe! Oh boy. Peut-être qu'il restait du potage, demande un potage. Ouais, au pire, là. Un homme s'est réveillé, là, c'est des nouvelles qui datent vraiment, on va finir là-dessus bientôt. Un homme qui se réveille d'un coma de 48 jours et qui demande immédiatement de recevoir du Taco Bell. Ah! Un vétéran de l'armée de 35 ans, Jake Booth. Hey, la photo, elle fait un petit peu peur, hein? Mais le gars sort d'un coma, man. Ils l'ont moins rasé à la tête. Donc, Jake Booth a eu une pneumonie au mois de février. Mm. Il a eu une attaque cardiaque. Il était mort pendant 15 minutes. Il a été ramené à la vie et est tombé dans un coma immédiatement. Et 48 jours plus tard, James s'est réveillé demandant du Taco Bell. C'est quelque chose. Donc, il a dit « I want Taco Bell ». C'est une citation. Il dit « C'est ça. C'est ça qu'il dit. » Peut-être que pendant ces 48 jours-là, la seule chose que lui voyait dans son coma, c'était du Taco Bell. Parce qu'il était sûrement conscient. Peut-être même qu'il y a des gens qui ont mangé du Taco Bell à côté de lui. Des traits. Moi, j'aimerais ça, sérieux, savoir ce qui se passe dans la tête des gens qui sont dans un coma. J'aimerais ça qu'il nous le raconte. Je suis sûr qu'il est capable de nous le raconter maintenant. Mais il y en a des gens qui s'en souviennent, apparemment. Oui. Donc, c'est ça. Apparemment... Oh, et là, c'est un détail important que je suis content d'avoir lu la fin de l'article. Mais Jake n'avait pas le droit de manger du solide avant 3 semaines. Oh non. Puis il en a mangé. Ça dit que finalement, les docteurs, récemment, à la mi-mai, ont donné le OK à Jake pour manger du solide. Et il a mangé 8,5 crunchy tacos de chez Taco Bell. 8,5. Ça devait être glorieux. Glorieux. Il devait être plein, là. Il t'a sorti ça, là. Hey, mais comme dit l'article, il était déjà à l'hôpital, ce qui était vraiment une bonne nouvelle. Il était malade! Ah, vraiment. Il y a une page GoFundMe pour aider Jake dans son processus après le coma. J'imagine aussi pour payer du Taco Bell. Donc, allez voir ça, c'est sur assemblagehockey.com. Et finalement, la compagnie Ferrera Candy Company s'est assemblée avec 7-Eleven pour créer le Truly Sour Bright Weird Beard. C'est donc un gommi surette en forme de la barbe du joueur de basketball professionnel James Harden. Mm-hmm. Qui a une grosse barbe et bien populaire, sa barbe en ligne sur Internet. Sa barbe qui ressemble énormément à un SOS. C'est vrai. Donc, c'est disponible en rouge et jaune, rose et bleu ou orange et vert, mais seulement jusqu'au 30 juin. Ça coïncide avec les finales nationales du basketball. Donc, apparemment, c'est bien populaire, la barbe de ce gars-là. Donc, pourquoi pas des gummies en forme de la barbe de James Harden. Voilà. C'est tout pour une grosse pointe à l'adresse. On s'est fait 3 blocs. On a fait 3 blocs de belles affaires aujourd'hui parce qu'il fallait que je reprenne mon souffle de rhume des fois de temps en temps. C'est correct, on te pardonne, Mathieu. Merci. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Nous, on va terminer l'émission là-dessus pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute, les requins. Merci à toi, Talia Beaudeuil. Merci à toi, Mathieu Plante. On se retrouve, pourquoi pas, la semaine prochaine, les mardis, entre 15h et 17h. Plus tard, aujourd'hui, à 19h environ, ce sera le baseball des aigles. C'est la série contre Cuba qui commence aujourd'hui. On joue aussi les samedis à partir de midi. Après nous, c'est Sky Punk et le baseball en soirée. Ensuite de ça, on repasse dimanche à 10h. À partir de 13h, juste après l'émission, c'est aussi du baseball. Oui. Donc, on a du gros baseball de mardi à dimanche cette semaine. C'est rempli de baseball. Absolument. Donc, on a Cuba, on a quoi d'autre cette semaine pour le dire? Parce que c'est le fun de le dire, une fois de temps en temps, on a le temps. Allons voir le calendrier. Voilà. Je sais que Cuba, c'est 3 matchs. Oui, c'est-à-dire ce soir, demain et jeudi. Non, mardi, mercredi et jeudi. Ce soir, jeudi, je suis désolée. J'oublie toujours qu'on a des reprises. Vendredi, samedi et dimanche, c'est contre le New Jersey. Ça se passe à Trois-Rivières au stade Fernand Bédard. Voilà, c'est assez. Bonne journée à tous et on se retrouve mardi prochain ou peu importe quand. Bonne journée. Bye. Bye.